et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels. Ou appelez le 02 775 75 75, 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaïsa, partenaire naturel de Cap 48. Elle habite Paris. Renouvelle ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où ? Il est où le bonheur ? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Take it easy. Simplicité sur toute la ligne. La première. Il est 9h. Le journal présenté par Anne-Sophie Breundans. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 2016. Cela fait tout juste 15 ans que les États-Unis subissaient l'attaque la plus meurtrière sur leur sol. Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait près de 3000 morts, la majorité dans l'effondrement des deux tours du World Trade Center à New York. Le 11 septembre en Catalogne, c'est jour de fête nationale. Une manifestation réunissant les partisans de l'indépendance se déroulera aujourd'hui dans la région espagnole. On terminera ce journal en musique avec la découverte de l'IMEP, une école supérieure de musique et de chant qui recevra le Gaillard d'argent ce soir à Namur. Les tours jumelles percutées par deux avions à New York, une image qui a marqué le monde entier. C'était il y a tout juste 15 ans, le 11 septembre 2001. Près de 3000 morts dans les tours du World Trade Center. Un attentat revendiqué par Al-Qaïda. Un attentat qui a changé la face du monde. Retour sur cette journée avec vous, Yasmina Favaro. Tout a commencé à 8h46. Heure à laquelle le premier avion détourné par des kamikazes d'Al-Qaïda s'encastre dans la première tour. L'Amérique ne sait pas encore si c'est un simple accident ou une attaque. 18 minutes plus tard, un deuxième avion percute la seconde tour du World Trade Center. Le doute n'est plus permis, c'est une attaque. Les deux appareils ont été transformés en bombes volantes et lancés contre les tours jumelles, un symbole de l'Amérique. Le président américain George Bush Jr. s'adresse alors aux Américains. Le terrorisme contre notre nation ne réussira pas. 15 minutes après ce discours, il est 9h37, un troisième avion détourné s'écrase. La cible cette fois, c'est Washington. Le Pentagone est en flammes. Et le cauchemar ne s'arrête pas là, Yasmina. Devant des milliers de New-Yorkais et les caméras du monde entier, l'horreur, à 10h05, à New York, une première tour s'effondre. Quelques minutes plus tard, comme un château de cartes, les 110 étages de la seconde tour s'écroulent également. Des milliers de personnes se retrouvent piégées sous les décombres. Et un peu plus tard, c'est un quatrième avion qui s'écrase dans un bois près de Pittsburgh. Ici, les passagers auraient empêché les kamikazes d'atteindre leur but. À nouveau, frapper Washington. Ces attaques terroristes sont les pires à avoir touché l'Amérique. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, place aux souvenirs, plusieurs commémorations sont prévues. Le récit de Yasmina Favaro. À l'origine de ces attentats, le groupe Al-Qaïda, établi en Afghanistan et dirigé à l'époque par Oussama Ben Laden. Alors si ces attaques n'ont pas, comme l'espéraient ses instigateurs, mis l'Amérique à genoux, elles ont ouvert une ère d'instabilité dont les répercussions se font ressentir dans le monde entier, dans le Proche et le Moyen-Orient principalement, mais aussi chez nous, en Europe, avec notamment le groupe terroriste État islamique qui sévit. Et une question se pose, est-il inspiré idéologiquement par Al-Qaïda ? Pas du tout, selon Thomas Pierret, spécialiste de l'islam contemporain à l'Université d'Édimbourg. Ben Laden était dans une logique défensive. Son discours était de dire les Américains occupent des pays du Moyen-Orient, ils soutiennent des régimes dictatoriaux au Moyen-Orient, ils soutiennent Israël. Donc nous frapperons les intérêts américains jusqu'à ce que les Américains se retirent de la région. C'est pas du tout le discours de l'État islamique aujourd'hui. Aujourd'hui, l'État islamique est dans un discours de conquête mondiale. Et dans une stratégie de guerre civile. Je veux dire, le fait que l'État islamique, par exemple, vise des symboles religieux chrétiens en France, ça, c'est ce que l'État islamique appelle détruire la zone grise, hein, donc détruire toute coexistence possible entre les musulmans et les non-musulmans. C'est pas du tout une stratégie qu'on trouve dans la précédente génération de djihadistes. Je veux dire, Ben Laden n'a jamais parlé de ce genre de choses. Lui était en conflit avec des États dont il désapprouvait les politiques, mais on n'était pas dans cette sorte de logique civilisationnelle ou communautaire que l'on retrouve chez l'État islamique. Des propos recueillis par Daniel Fontaine. En Catalogne, le 11 septembre est synonyme de fête nationale. Comme chaque année depuis 2012, une immense manifestation réunira aujourd'hui les partisans de l'indépendance de la région espagnole. Mais après la victoire des indépendantistes au Parlement régional il y a un an, l'enthousiasme est quelque peu retombé. L'indépendance express, promise par les partis séparatistes au pouvoir, n'est plus d'actualité, même si Barcelone multiplie les gestes de défiance vis-à-vis de Madrid, Henri de Laguérie. Cet après-midi, il devrait y avoir moins de monde que l'année dernière dans les rues pour défendre l'indépendance de la Catalogne. Les organisateurs l'ont reconnu, le nombre de préinscrits est en baisse de 25%. Pourtant, selon Maria Dolors Gibert, militante convaincue, il n'y a pas de lassitude chez les indépendantistes. On ne se lasse pas du tout, nous sommes impatients, au contraire, et en tout cas personne n'a renoncé à ce projet d'indépendance. Et c'est vrai que l'adhésion à l'indépendance n'a pas diminué, mais la stratégie pour y arriver déroute les plus modérés du camp souverainiste. Sous la pression d'un groupuscule anticapitaliste, le gouvernement catalan s'est radicalisé en faisant voter des lois qui ne reconnaissent plus la légitimité des institutions espagnoles. D'ici quelques mois, les séparatistes souhaitent organiser un référendum unilatéral d'indépendance sans l'accord de Madrid. Un projet insensé pour le politologue Gabriel Colomé, proche du Parti Socialiste. Ils ont décidé de provoquer le gouvernement espagnol pour qu'il applique la suspension des compétences autonomiques dans la logique de faire que le conflit s'internationalise. Mais je crois qu'aucun État va donner son appui à la Catalogne contre l'Espagne. Et pour une partie des observateurs, le gouvernement catalan est donc dans une impasse. Le problème, c'est que des centaines de milliers de personnes vont exprimer leur impatience aujourd'hui. Une impatience qu'il sera de plus en plus difficile à gérer en Catalogne comme à Madrid. Cette première inculpation en France après la tentative d'attentat à la voiture piégée à Paris. La justice antiterroriste française a inculpé une femme hier. Ses empreintes avaient été relevées dans le véhicule piégé retrouvé près de Notre-Dame. Ornelle Agé, 29 ans, a été mise en examen pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste criminelle et tentative d'assassinat en bande organisée. Elle a été placée en détention provisoire. 5 autres personnes sont toujours en garde à vue dans le cadre de cette enquête. 2300, c'est le nombre impressionnant de migrants sauvés des eaux rien que pour la journée d'hier. Les gardes-côtes italiens indiquent que 18 opérations ont été menées par les services de secours en mer Méditerranée. L'origine des personnes secourues n'a pas été précisée. Des frappes aériennes ont fait 58 nouvelles victimes dans la ville d'Idleb, dans le nord de la Syrie, ville contrôlée par les rebelles. Des raids aériens qui interviennent au lendemain de l'accord de trêve conclu entre Américains et Russes, Maxime Binet. Et à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas qui est l'auteur de ces frappes aériennes. Ce qui est sûr par contre, c'est que ces frappes et ces nouvelles victimes, notamment civiles, ne vont pas faciliter l'entrée en vigueur du cessez-le-feu global sur tout le territoire syrien. Une trêve prévue pour demain soir, premier jour de la fête du sacrifice, l'Aïd al-Adha, une trêve qui a encore du mal à convaincre. Après avoir pris connaissance du plan conclu entre Washington et le Kremlin, le régime de Bachar el-Assad a approuvé l'accord russo-américain, accord qui prévoit notamment une collaboration militaire entre Américains et Russes contre les groupes terroristes présents en Syrie, uniquement si le cessez-le-feu est un succès. Encore faut-il qu'il soit respecté. Oui, Maxime, c'est en ce sens que les États-Unis ont envoyé une lettre en arabe aux rebelles syriens. Oui, Washington soutient les rebelles modérés face à Bachar el-Assad et appelle ceux-ci à respecter la trêve annoncée pour demain. L'opposition syrienne ne s'est pas encore prononcée sur cet accord, tout comme les deux rivaux, parties prenantes du conflit syrien, l'Arabie Saoudite et l'Iran, sauf la Turquie présente en Syrie pour sécuriser sa frontière et combattre les rebelles kurdes, s'est prononcée en faveur du plan russo-américain. Les précisions de Maxime Binet. Chez nous, le MR, DFI et la NVA rassemblent leurs troupes ce dimanche pour le coup d'envoi d'une année politique qui s'annonce à nouveau bien remplie. DFI et son président Olivier Minguin seront en congrès au Ezel à Bruxelles. Le MR organise son université d'été à Otigny. La NVA prend pour sa part le large à la mer, direction le parc Plopsaland à La Panne. Nul doute que la fermeture annoncée de Caterpillar à Gosselies sera en ordre bien placé dans les discours. Celui de Bardo Weaver est attendu à 15h. Chaque président ou figure de proue des partis voudront montrer leur détermination dans ce dossier sensible. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Le sport et en football, soirée cauchemar hier pour Moucron qui a pris la fessée en perdant 1-5 contre Zult, le nouveau leader. Eupen s'est imposé contre Ostende et gagne Duchamp. Du coup, sur Saint-Tron et Westerlo, tous deux battus hier soir. Ce soir, le Standard reçoit Genk et avant cela, il y aura eu à 18h le choc des deux Sporting, Anderlecht contre Charleroi, avec des Carolo qui jouent la tête en ce début de championnat. Écoutez le coach Carolo, Felice Mazzu. C'est un match important, c'est un match difficile comme les autres. Ils ont transféré un joueur pour 10 millions alors que c'est notre budget entier. On doit se présenter là-bas comme des ouvriers dans le sens noble du terme. On va chez les boss. Et nous, les ouvriers, ben, on doit faire un maximum, travailler et garder nos valeurs pour essayer de faire un bon match là-bas. Une interview d'Éric Libois. Et puis, c'est un incroyable parcours de vie. Marieke Verwoerd, 37 ans, a offert hier à la Belgique sa première médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Rio. La Brabançonne souffre d'une maladie incurable et envisage de se faire euthanasier. Elle survit grâce aux défis qu'elle se met, toujours accompagnée de son chien Labrador avec qui elle partage tout. Chaque jour, elle lutte contre la douleur. Vous devez aussi savoir que dans ma catégorie, il y a des différences. La concurrence évolue dans un état plus stable que moi. Ils peuvent normalement dormir, travailler, se reposer normalement comme ils le veulent. Moi, j'ai passé tant de nuits dans la douleur. Je dois quand même m'entraîner et passer au-dessus, mais je sens que mon corps se dégénère. Parfois, c'est très dur, mais oui, ici et maintenant, gagner la médaille d'argent, c'est fantastique. Ce rappel en tennis, la victoire de l'Allemande Angélique Kerber cette nuit à l'US Open face à la Tchèque Pliskova. Kerber deviendra demain numéro 1 mondial, une première pour une Allemande depuis Steffi Graf. Ce soir, place à la finale homme entre Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka. C'est un nom qui rime chaque année avec le début des fêtes de Wallonie à Namur. La Gaillarde d'argent sera remise ce soir. Il s'agit d'une récompense décernée par le comité central de Wallonie à une personne ou une institution qui fait rayonner Namur et la région wallonne. Cette année, c'est l'IMEP qui rafle la mise, une école supérieure de musique et de chant, mais qui n'est pas un conservatoire. Laurence Laine et Michel Servet en ont poussé la porte. Pierre, 18 ans, concentré sur son violoncelle. À ses côtés, Christian, à l'accordéon chromatique. En duo, une musique de James Bond, mais ils apprennent aussi le classique. Alors pourquoi être venu à l'IMEP ? D'habitude, en musique, ce qu'on fait, c'est on cherche plutôt un professeur que l'institut ou l'université ou le conservatoire même. Parce que c'est un peu comme les sportifs, ils vont avoir des coachs qui les mènent au plus fort d'eux-mêmes. Toi, quand tu dis que tu es à l'IMEP, c'est connu ? Les gens savent où tu es ? Non. Ça n'a pas arrêté Christian. Il apprécie la renommée de l'école dans le monde de la musique. Bien sûr, nous avons beaucoup de possibilités, comme jouer en musique de chambre, et cela peut nous ouvrir beaucoup de portes, des concerts, des concours, des festivals. Mais je pense que le but premier, c'est le diplôme pour pouvoir donner cours. Depuis sa création en 1970, l'école a multiplié ses élèves par 5. La deuxième place de Jody DeVos au concours Anne-Elisabeth en 2014 a aidé l'image de l'IMEP. Guido Jardon, directeur. Voilà, l'IMEP, c'était pas connu, c'était même pas connu même dans le quartier. Même dans le quartier, même dans sa ville. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus de 350 étudiants, 29 nationalités différentes. C'est le décloisonnement entre les styles de musique et c'est oser aborder des nouvelles formations. Comme par exemple l'informatique musicale, création de jingles ou de musique de film, l'IMEP veut décidément l'ouverture. Voilà pour cette fin de journal en musique. Merci de nous écouter, je vous souhaite une belle journée. Toute l'info est sur rtbf.be. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. La première. 9h-10h, le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Bonjour à toutes et à tous. L'histoire n'est que l'incalculable impact des circonstances sur les utopies et les rêves. C'est signé Mariano Picon Salas, écrivain vénézuélien du siècle dernier, et c'est précisément au Venezuela, pays à l'histoire mouvementée, que nous allons nous intéresser ce matin. Sur place, à Caracas, je dis buenos dias à Laurent, Laurent Labrique. Buenos dias, bonjour. Un plaisir de pouvoir assister à cette émission, même si c'est à quelques milliers de kilomètres. À 7791 kilomètres de nous, Laurent, Lorenzo, hein, j'imagine que c'est ainsi qu'on vous appelle depuis 22 ans, plus que la moitié de votre âge. Ça fait. Je suis un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'ai deux personnalités, une plus belge, une plus vénézuélienne. Et effectivement, ici, on m'appelle plus Lorenzo que Laurent. Alors, vous travaillez au Venezuela pour le compte de l'ambassade du Canada, où vous avez postulé sur les conseils d'une amie costaricaine qui vivait au Panama, alors que vous étiez au Mexique pour Médecins Sans Frontières. C'est incroyable. C'est une histoire tout à fait internationale qui décrit bien votre personnage. Vous êtes en duplex avec notre invité, Osvaldo Parizet, qui est dans nos studios de la première à Bruxelles. Osvaldo, bonjour. Bonjour à toi, Adrien. Merci pour m'avoir invité et avoir aussi cet invité, Lorenzo, qui se trouve à Venezuela. Je m'imagine déjà qu'il a déjà commis las arepas en el desayuno. Si, j'ai déjà mangé bien les... Il a commis las arepas, j'ai déjà bien mangé les arepas, un peu trop d'ailleurs, ce qui fait que je suis un peu le ventre bedonnant. D'accord, mais lâchez-vous, nous on va déjeuner aussi jusqu'à 10h avec vous. Votre vie, Osvaldo, est un roman comme celle de Lorenzo. Vous êtes né à Caracas. Si, à Caracas, je suis né à Caracas, à la parroquia de Bellomonte. Né d'un père italien, vous avez grandi en Amérique latine et dans le sud de l'Europe, où vous êtes devenu ingénieur électronicien, oui. Orfèvre, réparateur de montres, maçon, menuisier, plombier, électricien et surtout sculpteur. Vous avez même réalisé le buste d'Albert II. Oui, c'est ça. Justement, dès le début, quand je suis arrivé en Belgique, comme Lorenzo, ils se sont vénézuéliens, je me sens belge. Et pour remercier à la Belgique, j'ai voulu faire le buste au roi de la Belgique. Et vous lui avez remis en main propre, et ce buste trône au palais royal. Je l'ai admiré, Catherine Tonero aussi, puisque vous avez été décorée par le fils d'Albert II, hein, Catherine. Le roi Philippe, vous êtes lauréate de la Belle Odyssée, vous êtes devenue Trotamunda, journaliste et globe-trotteuse. Le Venezuela est un pays fascinant. Mais oui, lorsqu'il y débarque en 1498, Christophe Colomb pense que c'est une île. Et il l'appelle Isla de Gracia, île de grâce, avant donc d'opter pour terre de grâce. Oui, alors une terre mouvementée hein, aujourd'hui, avec pas mal de problèmes politiques et économiques. Nous en parlerons évidemment ce matin avec vous et avec nos Belges du bout du monde. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première... Les Belges du bout du monde. Mais avant toute chose, Catherine, une petite leçon d'histoire. On appelle aussi le Venezuela la République bolivarienne. Bien oui, en référence à Simon Bolivar, évidemment le père de l'indépendance du pays et héros du continent latino-américain. On est donc ici tout au nord de l'Amérique du Sud. Le Venezuela est bordé par la mer des Caraïbes. Il partage ses frontières avec la Colombie. À l'ouest, le géant brésilien au sud et l'état de Guyana à l'est. Sa géographie est d'une très grande diversité entre les longues plages de sable fin, les plaines du centre, la pointe septentrionale de la cordillère des Andes et qui culmine à 5000 mètres et la vallée de Caracas, la capitale. C'est au Venezuela qu'on trouve les chutes d'eau les plus hautes du monde, les chutes de Salto Ángel, hautes de 979 mètres. La plupart des Vénézuéliens sont métis, ils parlent l'espagnol, évidemment langue nationale. Il existe aussi une quarantaine de langues autochtones. Et après une courte colonisation allemande, c'est la colonisation espagnole qui a duré près de 3 siècles. Oui, le Venezuela se proclame indépendant en 1811, mais les troupes espagnoles reprennent le contrôle du pays jusqu'en 1813, année où Simon Bolivar arrive en vainqueur à Caracas. Le pays acquiert son indépendance définitive en 1821. Il se détachera ensuite de la Grande Colombie, territoire indépendant formé un temps avec la Colombie, l'Équateur et le Panama. Après avoir connu une succession de gouvernements et dictatures militaires, le Venezuela entame des 50 1958 un processus démocratique qui assure au pays une relative stabilité politique. Jusqu'à la tentative de coup d'État d'Hugo Chavez en 1992, le colonel qui accède finalement au pouvoir par les urnes en 1998 et se maintiendra à la tête du pays jusqu'à sa mort d'un cancer en 2013. Alors Lorenzo Labrique, vous êtes arrivé sur place juste après le coup d'État manqué de Chavez en 1993. Oui, effectivement, c'était, je me souviens, en 1993, c'était d'ailleurs aussi une année d'élection présidentielle. Et bon, je vais être sincère, c'est à partir de l'arrivée de Hugo Chavez que je me suis beaucoup intéressé à la politique du Venezuela pour en faire aujourd'hui mon métier. Donc, ouais. Tout... et vous étiez tout jeune à l'époque, comme quoi les voyages forment vraiment la jeunesse. Vous aviez 17 ans, je crois que c'était dans le cadre d'un échange d'étudiants. Effectivement, c'est dans le cadre d'une occasion qui s'appelle AFS. Je suis arrivé ici au Venezuela dans une ville qui s'appelle Acarigua, qui n'est pas loin d'ailleurs d'où se trouve la ville de votre invité Osvaldo. Mais c'était une révélation pour moi, ça a été un changement. C'était vraiment une petite révolution, pour reprendre un terme qui est à la mode ici au Venezuela, qui a changé au fait tout le reste de ma vie, qui continue évidemment d'avoir une grosse influence et qui me caractérise moi aujourd'hui. Ouais, ça a été déterminant pour le choix de vos études, la politique et les droits de l'homme. Osvaldo, ben vous venez justement de ce coin-là, vous? Ben justement, c'est pas loin de Barquisimeto. À Carigua, il se trouve à une demi-heure de Barquisimeto. Et c'était une ville, pratiquement, il y a la cultivation de café, du riz et de tout, comme ça. C'est comme on dit, un peu comme les Llanos. Ouais. Alors, vous avez grandi, Osvaldo, dans une famille d'artistes. Votre papa est célèbre, entre autres, pour avoir réalisé le buste de Robert Schumann. Oui, ça c'est pour moi un grand honneur et fierté que papa il a réalisé le buste de Robert Schumann. Lui, c'était le père idéaliste créateur de la Union Européenne. Et c'est grâce à lui cette idée que maintenant ça existe la Union Européenne. Oui, et votre papa italien, européen, exilé d'abord au Venezuela, où il a été appelé par le président Marcos Pérez Jiménez. C'est lui qui a fait venir votre papa. Si, si, il était appelé pour faire des travaux, des œuvres d'art à Venezuela. Aussi, encore une fois, à l'honneur de que le président il a été à chercher à papa à l'aéroport en Cadillac, surveillé, protégé et aussi coccolé, comme on dit, muy, muy carignosement. Oui, oui, oui. Comment traduirait Laurent par? Avec beaucoup d'affection. Oui, oui, oui. Affection quand même très surveillée, parce que votre papa est tombé amoureux d'une photo, c'est assez incroyable comme histoire, d'une photo de Miss Italie qu'il a fini par épouser. Pas la photo, mais la Miss. C'est ça, c'est ça. Il a vu une revue à l'époque qui se trouvait là à Venezuela. Et il a eu un coup de foudre de ma maman. Il a écrit à la famille à Turin. Je vous ai fait connaissance avec votre fille pour le fiançage et la marier. Oui, alors il n'a pas pu aller se marier sur place parce que le dictateur n'a pas voulu qu'il ressorte du pays. Donc il s'est marié par procuration. Ben en fait, papa, il a eu la permission d'y aller les voir pour faire les fiançailles, oui. Mais pas pour rester pour se marier. Il devait rentrer à finir le travail parce qu'à l'époque, Pérez Jiménez, c'était vraiment un dictateur. Les horaires, ils sont là et les dates et les délais sont là. Tu dois accomplir le travail. D'accord, mais il a quand même pu voir votre maman avant de l'épouser. C'est ça. Ah, quand même, quand même. Quand c'est même. Ça. Alors, à 20 ans, votre maman débarque au Venezuela. C'était fin des années 50, 1960 peut-être. 60, c'est ouais, ça. Oui, sans connaître un mot d'espagnol. Même pas une seule. Buenos días. La suite de l'histoire, on va la raconter après avoir écouté un des succès de cet été sur la première. C'est Polo et Pan, et ça parle d'ombre, de forêt amazonienne, de Venezuela un petit peu aussi. C'est Canopée. Les oiseaux Prenons racine dans les bois et dans la canopée qui recouvre le Venezuela, un pays que nous redécouvrons ce dimanche 11 septembre avec l'analyste politique Lorenzo Labric, l'artiste polymorphe Osvaldo Parizet et notre chroniqueuse bourlingueuse Catherine Tonero. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Le titre de libérateur n'est-il pas plus glorieux que celui de souverain, écrivait en 1830 Simon Bolivar, le père de la nation vénézuélienne. Et 168 ans plus tard, Catherine, c'est le président Hugo Chavez qui va profondément transformer le Venezuela. Oui, Hugo Chavez qui revendiquait un socialisme du 21e siècle, un idéal de démocratie participative dans le cadre d'un État autoritaire. État qui va mettre en place une politique de redistribution ambitieuse basée sur ses importants revenus pétroliers. Les programmes sociaux favorisent l'accès à la santé, au logement, à l'éducation, à l'alimentation, à l'emploi. Et les effets sont là. En 5 ans, la pauvreté recule de 30% au Venezuela. À la mort d'Hugo Chavez, son dauphin désigné Nicolas Maduro devient président par intérim. Il remporte l'élection présidentielle de 2013 de justesse. L'opposition conteste vivement les résultats. De violentes manifestations éclatent et font une dizaine de morts. L'instabilité politique et sociale ne feront que se renforcer à partir de là. De nouvelles violences se soldent par 43 morts au printemps 2014 lorsque la population descend dans les rues pour protester cette fois contre les pénuries de produits de base. Oui, une instabilité liée à la situation économique du pays. Oui, le pays jouit d'énormes ressources naturelles, au premier rang desquelles le pétrole. Le Venezuela dispose des plus grandes réserves prouvées au monde, qui en font une puissance énergétique majeure évidemment, mais la baisse des cours du brut depuis 2 ans va révéler toute la faiblesse d'une économie très dépendante de la rente pétrolière. Faute de devises pour les importations, la pénurie va se généraliser aux produits alimentaires, médicaments, matières premières. Les conditions de vie de la population se dégradent et c'est l'origine de la crise économique qui secoue actuellement le pays. Il faut y ajouter une crise politique. Depuis la victoire de l'opposition aux dernières élections législatives, c'était en décembre 2015. Le nouveau Parlement veut tenir un référendum pour forcer le départ du président Maduro et organiser de nouvelles élections. On y reviendra. Alors, aux premières loges pour commenter cette crise, qu'il suit en direct hein, sur place, notre Belge du bout du monde, Laurent Labric. Quelle est l'actualité en ce 11 septembre au Venezuela? Ça va toujours aussi mal, Laurent? Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que le pays actuellement, comme l'a dit Catherine, traverse une crise qui n'est pas, on ne voit toujours pas le bout du tunnel à cette crise-là. La crise sociale, économique et politique sont bien des réalités qui frappent l'immense majorité de la population. Je crois que la crise n'est pas simplement due à la baisse des cours du pétrole, c'est au fait aussi la crise d'un modèle qui a été, je vais dire, sur des dépenses sans aucun contrôle, qui s'est basée sur une corruption absolument généralisée et avec aucune épargne pour les générations futures, ce qui fait qu'effectivement, quand les cours du pétrole descendent et quand on a tué la production nationale, comme ça a été le cas, parce que jusqu'à très peu, importer coûtait moins cher que produire sur place, ben voilà, on se retrouve avec des pénuries absolument, je vais dire, assez incroyables dans un pays pétrolier. Passe encore la nourriture parce qu'on peut encore la trouver, même si c'est parfois, pour beaucoup, à des prix exorbitants, hors de contrôle pour l'immense majorité de la population. Mais là où ça devient plus grave, c'est que ça touche aussi les produits, comme ça a été si bien dit, les médicaments. Et là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de solutions de rechange. Donc l'opacité sur l'information fait qu'aujourd'hui, on n'évalue pas vraiment la grandeur de cette crise au Venezuela, en tout cas à l'étranger. Ouais, son ampleur, et vous êtes bien là pour la mesurer depuis 22 ans. Hein, vous avez vu le niveau de vie, j'imagine, se dégrader depuis votre arrivée en 1993, 23 ans même maintenant sur place. Vous avez été témoin aussi de nombreuses violences politiques et policières. Vous vous êtes même fait expulser du pays, Laurent? Oui, oui. Dans le cadre justement de mon travail, on va dire qu'il y a certaines autorités qui demandent de l'argent et en arrivant à l'aéroport de Caracas, on a arraché la page de mon passeport et puis on m'a expulsé manu militari. À l'époque, je venais du Canada, donc en plein hiver, j'étais vêtu comme si j'étais en plein été et on m'a renvoyé au Canada comme ça, sans valise. Bon, ça a pu s'arranger et puis après, par la suite, en voulant sortir du Venezuela, on m'a empêché de partir. Enfin bon, c'est toutes des aventures dont on se passerait bien, mais bon, ça enrichit, on va dire, l'être. Alors, on a essayé de me racketter, J'ai la fierté aujourd'hui de ne pas avoir corrompu les autorités jusqu'à présent pour obtenir, je veux dire, un papier ou l'autre, même si parfois, je vais être sincère avec vous, la tentation est bien là. Mais bon, on contribuerait plus au problème qu'à la solution en faisant ça. Osvaldo, vous êtes admiratif devant le parcours de notre Belge du bout du monde dans votre pays natal, le Venezuela. Pour lui, c'était des expériences, je dirais, Lorenzo Indiana Jones. Oui, il retient le positif. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Il le prend comme ça, Lorenzo. Et vous êtes toujours resté contre vents et marées, malgré ça, malgré les tentatives d'intimidation, malgré les expulsions. Vous êtes toujours revenu. Donc, il y a quelque chose qui vous retient au Venezuela, Laurent. Vous n'êtes pas maso. Si vous y êtes encore, c'est par plaisir, par passion. C'est marrant que vous dites ça, parce que j'étais en Belgique ici au mois de juillet, et il y en a plus d'un qui me l'ont dit, parce que c'est assez marrant de voir actuellement les Vénézuéliens font, je vais dire, tout ce qui est possible pour essayer de sortir du pays, alors que moi, qui ai la possibilité de rentrer, je viens ici m'installer. Mais outre l'actualité, qui est effectivement la réalité sociale, politique, je vais même dire au niveau de la sécurité quand même, qui sont quand même de gros problèmes, le Venezuela est un pays attachant. Une fois qu'on y est, on sait, comme on dit, qui s'y frotte, s'y pique. Et je dois avouer que c'est un pays qui est dans mon cœur, qui fait partie de moi. J'ai toujours encore de l'espoir que les choses puissent s'améliorer. Malgré tout ça, je m'y sens bien. Et puis surtout aussi, je vais être sincère avec vous, j'ai quand même une fille qui est à la fois belge, mais qui est aussi vénézuélienne. Et bon, ça reste quand même ma principale motivation, c'est d'être à côté d'elle. Bah oui, évidemment, ça c'est essentiel. Je comprends que vous soyez là pour elle aussi. Elle va à l'école à Caracas? Oui, effectivement, elle va à l'école. Voilà, elle a intégré, elle parle français, elle a que 5 ans. Et je dois avouer que c'est un grand plaisir malgré tout. Je pense que l'enfance ici à cet âge-là peut être beaucoup plus intéressante qu'en Belgique, effectivement, parce qu'on peut sortir, il y a des activités toujours à l'extérieur, beaucoup de relations sociales pour les enfants. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font pour les enfants, et je pense que c'est quelque chose aussi à valoriser de manière positive. Ouais, et c'est bien de vous entendre, parce que vous démontez les préjugés. On se dit, tiens, un enfant là-bas, ça doit être invivable, et vous nous expliquez, vous nous prouvez le contraire. Vous, Osvaldo, même si physiquement vous vivez chez nous, votre cœur, il est toujours là-bas, au Venezuela? C'est tout à fait comme ça. C'est difficile d'oublier ma jeunesse, ma adolescence que j'ai passée là-bas. Et comme je ressens c'est ce que sent Lorenzo, parce que malgré tout, toute la situation comme il est à Venezuela, tant que vous entrez dans ce pays et vous êtes touché pour la Venezuela, c'est la magie. Vous ne voulez plus revenir par ici. En plus que malgré tout, tous les dangers, tout ce qu'il y a maintenant au Venezuela, lui se sent là en liberté plus que propre ici en Belgique. Oui, c'est sûr. Peut-être que c'est ça aussi la liberté. Oui. Oui. Vous êtes né en 1962 et à l'âge, comment s'appelle votre fille, Lorenzo? Elle s'appelle Eva Maria. Alors, à l'âge d'Eva Maria, quand vous aviez 5 ans, vous avez quitté le Venezuela pour l'Italie. C'était le 29 juillet 1967. Je cite la date parce que pour les Vénézuéliens, c'est une date aussi importante que le 11 septembre, par exemple, pour le reste du monde. Le 29 juillet 1967, il y a eu une chose incroyable et terrible à Caracas. C'est justement, on a subi le tremblement de terre. C'était le terremoto catastrophe qu'on a toujours... J'y restais aujourd'hui touché, traumatisé. Je suis un sismographe avec 2 pieds. Oui. Tant que je sens un tremblement, tout de suite, je suis en alerte. Et vous avez passé 3 jours réfugiés dans une voiture pour échapper à ce tremblement de terre? Oui, on devait dormir dans une voiture pour être assuré. On avait peur, juste qu'on pouvait prendre les bateaux pour la partance vers l'Italie. Alors tout petit, à l'âge d'Eva Maria, vous avez travaillé dans l'atelier de votre papa. C'est comme ça que vous êtes devenu artiste? Exactement, en regardant papa à l'âge de 8 ans, j'ai toujours accompagné papa et je regardais comment il faisait les sculptures et comment il transformait la terre glaise en devenant des bustes, des statues, de tout ça. Et pour moi, c'était quelque chose incroyable que j'y voyais dans mes yeux. Et c'est là qu'il a commencé à entrer l'art. Oui, votre papa qui a sculpté Gandhi, entre autres, qui a sculpté Schumann, qui a sculpté beaucoup de personnalités. Comme vous d'ailleurs, on a mis vos œuvres en ligne sur lapremière.be. Allez sur notre site ou sur la page Facebook des Belges du bout du monde et vous verrez quelques-unes des œuvres d'Osvaldo Parizet. Dans un instant, je vais vous parler des trophées des Belges du bout du monde. Si, comme Osvaldo, vous développez vos talents loin de chez vous, eh bien ces trophées sont faits pour vous. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. Voici les résultats semestriels de Belfius. 600 000 élèves bien assurés à l'école. 53 projets SMART pour construire la Belgique de demain. 131 000 nouveaux clients actifs. Les résultats de Belfius, c'est bien plus que 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Ce sont aussi les maisons pour lesquelles nous avons accordé un crédit, les entreprises dans lesquelles vous travaillez, ou même une nouvelle maison de soins dans votre quartier. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Info et guide gratuit sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe ! Retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio ou quand et comme vous le voulez, sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. Libérez vos envies. Une place près d'un mur. Attention à ma voiture. Check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Ma copine Maya, parfois elle a carrément pas 10 heures. Alors je lui passe mes raisins secs. Oui, mais pas tout, hein. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 230 euros sur l'avenir.net/rentrée. 9h-10h sur la première. Les Belges du bout du monde. Avec Adrien Jovenot. Récompenser celles et ceux qui participent à la renommée de notre pays à l'étranger en y travaillant et en s'investissant dans des projets novateurs et émergents, c'est l'objectif des trophées des Belges du bout du monde. Ces expats ont aussi le mérite d'agrandir les horizons de notre petit pays et d'offrir une lueur d'espoir et des exemples concrets de success story aux jeunes qui se débattent souvent chez nous dans l'impasse du sous-emploi. Alors nous allons récompenser ces entrepreneurs dans 5 catégories différentes: culture, art de vivre, solidarité, économie et nouvelles technologies. Alors, où que vous viviez à l'étranger, si vous êtes investi dans un de ces 5 domaines, ces trophées des Belges du bout du monde sont faits pour vous. Toutes les infos sont en ligne sur lapremière.be. Les Belges du bout du monde sur la première. Nous sommes ce matin avec des Belges bourrés de talent, l'artiste plasticien Osvaldo Parizet et le conseiller diplomatique, je peux dire ça, Lorenzo Labric, né en Belgique et qui travaille au Venezuela. C'est quoi précisément votre job, Lorenzo ? Mais écoutez, effectivement, c'est un peu être conseiller pour le gouvernement du Canada ici au Venezuela. Alors Osvaldo, vous avez fait le chemin inverse. Vous êtes né là-bas, au Venezuela, et vous vivez chez nous depuis l'an 2000. Alors avant d'arriver en Belgique, vous viviez dans un parc national, un parc naturel. Pratiquement, oui. On habitait à Barquisimeto. C'était à 10 minutes de la ville de Barquisimeto. C'était appelé El Manzano. Alors, c'est comique parce que votre adresse mail, c'est comme ça qu'on a communiqué, vous et moi, avant cette émission, c'est El Manzano 2000. Donc, vous avez gardé l'endroit où vous vivez, El Manzano, et vous avez rajouté l'année où vous l'avez quitté. Exactement, parce que c'était triste pour nous et en même temps, c'était quelque chose de différent. On venait connaître un pays différent. Et ça, la Belgique, c'était tout quelque chose à découvrir sans savoir même pas une parole en français. Oui. Alors aujourd'hui, on découvre votre pays natal, le Venezuela. Pour ceux qui nous rejoindraient à présent, après la grasse mat du dimanche, voici le portrait de votre pays natal, réalisé en son, en musique et en parole par Loïc Péchard. Le Venezuela, un pays situé en Amérique latine dont la capitale est Caracas, abrite en son territoire une population de 30 millions d'habitants. Viva Venezuela! Viva Venezuela! La colonisation, l'esclavage, les guerres d'indépendance, les dictatures, les crises monétaires. De cet héritage s'est construit une culture vibrante qui s'exprime au travers de fêtes comme celle du carnaval, de Corpus Christi. Le fleuve Orénoque est le troisième plus long fleuve d'Amérique latine après l'Amazone et le Rio Paraná. Ces îles au large, ces récifs coralliens ou encore ces plages de sable fin. Sur la plage abandonnée. C'est la siesta dans un hamac, un cigare en bouche et le rhum à la main. Rum and Coca-Cola. Mais tout n'est pas rose dans ce pays. Le Venezuela est devenu en un rien de temps le pays le plus pauvre du monde, selon l'indicateur Bloomberg. La moitié des 30 millions d'habitants vit désormais sous le seuil de pauvreté. C'est deux fois plus qu'il y a 6 ans. Le pays manque de tout, savon, aliments, médicaments. L'État contrôle tout, notamment le cours de la monnaie, ce qui amène à une inflation démesurée. C'est comme ça que le Venezuela est le troisième pays où le coût de la vie est le plus élevé derrière la Suisse et la Norvège. Alors que c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les produits de première nécessité sont un problème pour la population, car elle n'arrive pas à se les payer. L'État est endetté et au bord de la cessation de paiement. Pourtant, le pays possède les plus grandes réserves de pétrole au monde devant l'Arabie Saoudite. Cette situation est paradoxale. Le pays est assis sur une mine d'or, mais son économie va très mal. La corruption bat son plein. La violence est omniprésente. Il est impossible d'exprimer son désaccord face au gouvernement. Après sa mort, l'ancien président Hugo Chavez a toujours une place dans le pays, démontrant l'importance des idées de son gouvernement. Il est partout, sur les panneaux publicitaires, les autoroutes et sur les murs. Il est toujours représenté sur des grandes fresques. Viva Chavez! Thank you, Venezuela. À partir du moment où Chavez arrive au pouvoir, on a la légalisation des médias associatifs. Des initiatives et des projets existent pour dynamiser les choses. Elles proviennent parfois de l'extérieur du pays. Thierry Deron, un Tournaisien d'origine, a fondé au Venezuela une école populaire de cinéma et de télévision qui s'inscrit dans une démarche d'éducation permanente. Pour nous, l'école de cinéma, là, c'était une façon de donner à des secteurs sociaux en lutte l'outil audiovisuel. On a créé une première coordination de télévision associative, laquelle a pu alors dialoguer avec le nouveau gouvernement et créer ce règlement légal. Et créer cette nouvelle figure de médias associatifs qui maintenant a atteint entre 300 et 400 médias légalisés avec une fréquence 24 heures sur 24 pendant 5 ans. Photos sonores du Venezuela réalisées par Loïc Péchard avec un zoom à la fin sur Thierry Deron, un autre Belge du bout du monde qui vit là-bas depuis une dizaine d'années. Vous connaissez, vous en avez entendu parler, Laurent Labrique ? Oui, j'en ai entendu parler depuis d'ailleurs très longtemps, depuis le début, du gouvernement de Chavez, où effectivement Thierry Deron a été par le travail social qu'il a effectué, a été un fervent défenseur du président. Moi, j'étais un peu plus critique. Donc, on a eu quelques altercations tout à fait, en tout bien, tout honneur, par écrit sur certains sites à l'époque. Mais depuis, vous savez, ça fait partie de la démocratie. C'est justement ça qui fait que la confrontation des idées enrichit ceux qui peuvent lire ces articles ou qui peuvent nous écouter. Ouais, et puis il vaut mieux se battre avec des idées qu'avec des armes. Hein. C'est toujours mieux ce débat démocratique. Hein. Finalement, il a créé là-bas une école populaire de cinéma et de télé avec pas mal de jeunes. Et on a mis en ligne sur la première.be le résultat de son travail. Vous habitez, vous, Osvaldo, dans notre pays, dans le Far West, hein, du côté de Moucron. C'est tellement une ville spéciale que vous allez aller à Moucron et vous ne payez même pas le parking. On ne paye pas, c'est gratuit. Alors Thomas Thurion, bonjour. Vous êtes journaliste à l'Avenir. Ça fait une dizaine d'années que vous suivez cet artiste. Dès son premier pas sur la ville de Moucron, donc en l'an 2000, donc ça fait même 16 ans cette année. Vous l'avez même emmené, ça c'est incroyable cette anecdote, Osvaldo, à l'Élysée, parce que vous avez fait le portrait de Sarkozy, le buste, et quand vous êtes allé, racontez-nous l'histoire, porter le buste à Sarkozy, vous ne vouliez pas aller tout seul. Non, parce que justement, toujours j'ai des contacts avec Thomas, et ça fait partie comme de la famille, et justement quand l'Élysée a dit, vous devez venir toute seule, vous ne pouvez pas porter notre personne, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je ne vais pas porter de personne, je vais porter mon cousin, Thomas Tourillon. Je me suis dit ça sans dire rien. Et quand on arrive là-bas, j'avais la boîte où il y avait le buste de Sarkozy, et je commence à aller avec mon diable, avec la boîte, et il y a le policier qui vient vers moi, vous ne pouvez pas passer par ici. Et je dis, non, je dois passer, je dois être accueilli avec tous les honneurs, c'est ce que m'a dit M. Sarkozy. Il dit, mais vous ne voyez pas que vous avez un colis là, non ? Ce n'est pas un colis, c'est le buste de Sarkozy. Mais je ne sais pas, à Paris, M. Sarkozy s'est appelé colis, oh, je ne comprends rien de tout. Et Thomas Tourillon était à côté de moi, et je dis, Thomas, tu fais attention, parce que quand même, il y a quelques paroles en français que je ne sais pas dire, et lui, il surveillait tout, que c'était pour me calmer, parce que je suis toujours nerveux. Alors c'est incroyable, il fait passer pour son cousin. C'est incroyable, ouais. En fait, il m'a prémâché le boulot parce que c'est vrai que il y a souvent des suspicions envers les journalistes, ou en tout cas, on fait attention, faut donner des documents, faut faire des photocopies de carte d'identité, de carte de presse, faut prouver certaines choses. Et Osvaldo, avec sa tchatche naturelle, m'a fait passer, donc m'a fait gagner pas mal de démarches, aussi bien par téléphone que par courrier. Et finalement, l'Élysée était gagnant, puisque c'était un formidable reportage qu'ils ont pu avoir. Et puis, pour Moucron aussi, c'était quand même une belle chose d'avoir un artiste communal qui met en avant sa ville jusqu'au palais de l'Élysée. Allez, on va écouter un autre artiste belge, c'est Philippe Lafontaine. Il chante le Venezuela, enfin, à sa manière. Venez, venez, Zuela. Venez, venez, venez, calmez mon cœur. Venez, Venezuela, Philippe Lafontaine, le Venezuela, nous y sommes avec nos Belges du bout du monde, Osvaldo Parizet et Lorenzo Labrique. Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF. Est-ce que 22 ans de Venezuela, Laurent Labrique, ça change un homme, ça change son échelle de valeur? Ah oui, complètement. Hein. Ça, c'est effectivement, on apprend beaucoup à relativiser. On apprend beaucoup sur soi-même. On n'a pas trop le choix, surtout après beaucoup d'expériences, pas toujours très agréables ici dans le pays. Mais on devient effectivement une personne qui apprend à se plaindre beaucoup moins peut-être qu'on a en Belgique. On va dire que se plaindre du temps devient un luxe, par exemple. Mais je suis beaucoup plus une personne épanouie. J'aime le contact. J'étais une personne, enfin j'étais un enfant à l'époque, très très introverti. Maintenant, je pense être tout à fait le contraire. Il y a aussi un sens de l'humanité quand même qui est différent. Et puis surtout, j'aime ici parce que en Belgique, on va dire un peu que tout est fait. Ici au Venezuela, tout reste à faire. Au Venezuela, le climat est différent, climat social aussi extrêmement tendu. Ce sont les perspectives un peu noires pour ce pays d'Amérique latine, Catherine Tonero. Mais oui, et ce sont des scènes que l'on voit encore régulièrement hein, à la télévision, des Vénézuéliens qui font la queue devant les supermarchés. La pénurie touche aujourd'hui 80% des denrées de première nécessité. Les pillages, les émeutes sont presque quotidiens. Alors pour s'approvisionner, beaucoup de Vénézuéliens franchissent la frontière colombienne. Elle avait été fermée l'an dernier pour des raisons de sécurité. Le président a bien dû se résoudre à la rouvrir temporairement cet été. L'impopulaire Nicolas Maduro, qui veut tout faire pour reporter la tenue d'un référendum révocatoire qu'il est sûr de perdre. Fonctionnaire limogé, figure de l'opposition arrêtée, le bras de fer avec l'opposition anti-chaviste est loin d'être terminé. Et c'est toute la démocratie vénézuélienne qui est en danger, estiment de nombreux observateurs. Sortir de cette crise économique et politique sans précédent est évidemment le principal défi qui attend le pays. Il y en a d'autres aussi. Le Venezuela est, on le rappelle, le pays au taux de criminalité le plus élevé d'Amérique du Sud. Pas de quoi attirer les touristes malheureusement, et ce malgré d'immenses richesses naturelles. Oui, oui. Vous restez optimiste, Laurent Labrique, pour l'avenir de ce pays? C'est une bonne question. J'ai envie de dire oui, parce que j'ai une fille qui vient d'ici, donc il faut que je reste optimiste. Mais on va dire que quand même c'est un pays qui traverse plus qu'une crise politique, sociale et économique. C'est un pays qui traverse une crise, je vais dire, de valeurs, et qui ne se fait pas, qui va pas s'arranger simplement avec le changement, je vais dire, de couleur du gouvernement. Osvaldo, dans ces conditions-là, vous rêvez d'une retraite au pays natal ou bien vous allez couler des jours heureux encore en Belgique? Moi, déjà, je félicite à Lorenzo d'avoir le courage de pouvoir rester à Venezuela et d'avoir sa fille qui est vénézuélienne belge. Mais moi, autant d'être vénézuélien, je peux dire, j'ai peur d'entrer dans mon propre pays. Oui, même si vous rêvez d'aller sur la petite île de Morrocoy, par exemple. Oui, la première chose que j'y ferai à Venezuela, c'est aller à la mer del Caraïbe. Mais Lorenzo, il peut dire, Morrocoy, la isla de Margarita, c'est la cosa más bella que tiene el mundo. C'est vrai, Laurent? Bueno, Morrocoy, c'est vraiment très, très, très, très beau. Mais il y a aussi des îles un peu plus, je veux dire, au large, qui s'appellent l'archipel de Los Roques. Et ça, c'est quelque chose, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. C'est aussi l'avantage, vous voyez, de vivre à Caracas, c'est qu'on a un saut de puce de la mer. Ce n'est jamais qu'une demi-heure de route. Et ici, une demi-heure de route, c'est comme si on allait, je ne sais pas moi, passer d'une commune à l'autre à Bruxelles. Donc, effectivement, ça, c'est quand même un des grands avantages, avoir un climat très, très agréable toute l'année, qui te permet d'aller chaque week-end, comme le font beaucoup de Vénézuéliens, peupler certaines plages, et les plus inconnues, comme d'habitude, sont toujours les plus jolies. Confirmation, il fait beau à Maracaibo. En tout cas, c'est Julien Clerc qui nous le dit. Écoutez. La radio dit qu'il fait beau à Maracaibo. La radio dit qu'il fait beau à Maracaibo, la troisième ville du pays. Les saisons sont inversées. Vous allez rentrer dans le printemps, nous dans l'automne, Laurent? En fait, ce n'est pas les quatre saisons, c'est simplement saison sèche et saison des pluies. Donc actuellement, on est en saison des pluies, même si quand il pleut 20 minutes et puis après c'est terminé, c'est la grosse chaleur. Jusqu'au mois de décembre, ça va être la saison, c'est la saison des pluies. Et je voudrais faire une référence à Maracaibo, parce que Maracaibo, il a le fameux procédé Alonso de Ojeda. Et Maracaibo, c'est là qu'ils ont voulu choisir le nom de Venezuela. Venezuela vient de la Pequeña Venecia. Petite Venise. Ouais. Et il est devenu de la Venecia, Venezuela. D'accord. Bah écoutez, c'est le trait d'union de votre pays, le pays de votre papa, quoi, l'Italie, et celui du papa de Catherine Tonero aussi. Hein. Exact. Oui, que je remercie d'avoir participé à cette émission. Ça vous donne envie de partir au Venezuela. J'ai eu l'occasion d'aller sur la côte caraïbe colombienne, tout près de la frontière, mais pas de la franchir, hein, donc malheureusement. Mais ce qui lui arrive est vraiment dommage, parce que c'est un pays qui, je pense, gagne vraiment à être visité. Oui, et on souhaite beaucoup de courage, Laurent, au peuple vénézuélien qui traverse des moments difficiles. On vous souhaite en tout cas bonne continuation là-bas. Au Venezuela. Merci d'avoir eu le courage de témoigner sur la première dans les Belges du bout du monde. Ben, je vous laisse échanger le mot de la fin avec Osvaldo qui est dans votre pays natal, Lorenzo, ici en Belgique. Bueno, muchísimo gusto, Osvaldo. Espero que cuando yo vaya allá a Bélgica, podamos sentarnos y tomarnos una buena cerveza, une bonne bière à mon retour l'année prochaine. J'espère que rendez-vous est pris avec ça. Yo, como venezolano, la bienvenida en tu país, Bélgica. Y tomarnos une bière ensemble, la meilleure bière du monde. Il y a plus de 800 marques de bière en Belgique. Merci, et puis soyez les bienvenus. Si vous voulez venir au Venezuela, c'est un pays qui en vaut la peine, c'est un pays authentique. Magnifique, sur plein de plans. Il y a quand même toujours moyen de le découvrir en toute sécurité avec quelqu'un qui s'y connaît. Je serai avec plaisir le guide, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci de m'avoir invité pour cette émission. Mise en onde par votre ami d'enfance, Paul Michel. Oui, le monde est un village. Hein. Hasta luego, amigo. Hasta luego. La semaine prochaine, nous serons en Chine avec une nouvelle Belge du bout du monde, Morgane Delès. Elle sera en duplex avec le journaliste Hun Liu, correspondant au Benelux pour plusieurs agences chinoises d'information. Après le journal parlé de 10h, les décodeurs RTBF en compagnie d'Alain Gerlach. La première. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Maman, depuis son emménagement en maison de repos, beaucoup de choses ont changé. Toujours attendre, c'est vrai qu'on la voit trop peu. Stéphanie, mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais enfin maman, on devait aller prendre un café ensemble, ça fait une demi-heure que je t'attends. Ah, je suis désolée ma chérie, ça m'a complètement échappé. J'étais fort occupée, le bridge s'est prolongé. Nous cherchons tous le bonheur à tout âge. C'est pourquoi Harmonéa est toujours proche de vous, avec une solution de logement qui correspond à vos besoins et vos envies. Maison de repos, service flat ou résidence service ? Ensemble, nous en ferons votre nouveau foyer. Nous vous informons sans engagement au 0893 430 ou sur harmonéa.be. Harmonéa, le bonheur à tout âge. La première et la trois présentent une jolie maison, un jardin coquet, une famille sans histoire, loin de la violence du monde. Si loin, la ville de Martin Cream. Un jeu de piste So British, mis en scène par Michael Delaunoy. Au rideau jusqu'au 30 septembre. Info rideaudebruxelles.be avec le soutien du journal Le Soir. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment, on part 3 semaines, 3000 euros. Mais qu'est-ce que tu attends, mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Il est 10h. On retrouve Nathalie Devic pour les infos. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un sauvetage de masse qui s'est déroulé hier en mer Méditerranée, près des côtes libyennes. Les gardes-côtes italiens ont secouru près de 2300 migrants sauvés des eaux. Une nouvelle preuve, si besoin en est encore aujourd'hui, que les migrants sont chaque fois plus nombreux à tenter de traverser la Méditerranée. Maxime Binet. Oui, pour se rendre en Italie notamment, afin de continuer leur périple ailleurs en Europe. Les gardes-côtes italiens qui coordonnent les opérations méditerranéennes ont récupéré ces personnes dont on ne connaît pas encore leur nationalité. Ce qu'on sait, c'est que tous étaient partis de Libye dans 18 embarcations de fortune, dans 17 canots pneumatiques et dans une barque de pêche. Dans ces embarcations, il y avait des femmes et des enfants. Ces migrants seront dirigés par la suite dans des structures d'accueil en Italie. Ces sauvetages en mer s'accentuent notamment depuis ces dernières semaines. La traversée de la Méditerranée se fait de plus en plus par vagues. Fin août, les autorités italiennes ont secouru 14 000 personnes en moins d'une semaine. Ceux-ci étaient quasiment tous issus d'Afrique subsaharienne. Depuis le début de l'année, l'Italie a vu arriver 124 500 migrants sur son sol. C'est sensiblement plus que l'année passée à la même période. En France, première inculpation après l'attentat déjoué jeudi dernier. Une femme radicalisée de 29 ans, placée en détention provisoire. Ses empreintes ont été retrouvées dans le véhicule abandonné avec des bonbonnes de gaz près de Notre-Dame à Paris. La jeune femme, mère de 3 enfants, était fichée pour avoir tenté de se rendre en Syrie. 5 personnes sont toujours en garde à vue dans cette affaire. Élection anticipée en Croatie, c'est la 2e fois que les Croates sont appelés aux urnes cette année. Ils doivent se choisir un nouveau gouvernement après l'éclatement de la coalition de droite au pouvoir depuis 5 mois à peine. Les sondages prédisent un résultat serré qui pourrait déboucher sur une nouvelle période d'instabilité politique. Et en Catalogne, ce 11 septembre est jour de fête nationale. Comme chaque année, depuis 2012, une immense manifestation réunit les partisans de l'indépendance de cette région espagnole. Après leur victoire au Parlement régional il y a un an, l'enthousiasme est quelque peu retombé. L'indépendance promise par les partis séparatistes au pouvoir n'est plus d'actualité. Chez nous, l'agenda politique s'annonce chargé aujourd'hui. Défi est en congrès au ESEL à Bruxelles, le MR à Otigny pour son université d'été, l'ANVA à La Panne pour sa journée des familles. L'occasion pour ces partis de lancer leur année politique, Marc Sirlerot. Oui, et au MR, comme chez Défi, on parlera et reparlera à coup sûr de Caterpillar. Jeudi dernier, rappelez-vous, Olivier Chastel, le président des libéraux, montant au créneau en évoquant une possible réquisition du site. Depuis, le ton s'est calmé, les solutions radicales, entre guillemets, se font moins entendre. Mais à coup sûr, aujourd'hui, Charles Michel comme Olivier Chastel voudront montrer toute leur détermination dans ce dossier hautement sensible. Toujours à propos de Caterpillar, chez Défi, Olivier Maguin, qui est dans l'opposition au fédéral, demandera des actes au gouvernement, notamment via un assouplissement des mesures de prépension. Mais pour l'instant, la NVA ne veut pas en entendre parler. À la NVA, justement, qui sera à Plot-Salent à La Panne, l'esprit sera surtout à la fête pour la journée des familles, avec au programme, entre autres, des shows de Maya l'Abeille. Discours quand même de Bart de Wever à 15h, il y parlera sans doute de Caterpillar, mais aussi de sécurité. Un discours porteur vu le contexte, mais également vu la hausse constatée de Vlaams-Belang dans les sondages, alors que la NVA est encore en baisse. En sport, football, après la défaite cuisante de Moucron 1-5 contre Zult et le succès de Peine 2-1 sur Ostende, la 6e journée se poursuit ce dimanche avec dès 18h le duel des Sporting. Anderlecht accueille Charleroi, actuel 2e au classement derrière Zult. Mais Anderlecht sort d'un mercato très chaud. Les Bruxellois ont dépensé 28 millions d'euros en transfert, dont 10 pour le seul Stan Chiu, un joueur roumain qui fera ses débuts aujourd'hui, très attendu. Donc on s'en doute. Écoutez le coach René Weiler et ses nouveaux renforts. J'ai remarqué qu'on a engagé quand même des joueurs qui sont très intéressants, mais on a entraîné maintenant 2 jours ensemble. Comment ils vont jouer, ça je ne sais pas encore. Hein. Je vois le potentiel, mais maintenant il faut trouver des automatismes, il faut aussi donner le temps à tout le monde, aussi à des nouveaux joueurs, pour t'adapter assez vite avec la ville, avec le club, avec la langue, avec la nouvelle culture. Je suis persuadé qu'on va arriver, mais il faut aussi nous donner le temps. Coup d'envoi donc à 18h, ce soir à 20h30, le Standard et son nouveau coach Jankovic reçoivent Genk à Sclessin. Vous rappelez encore en tennis la victoire de l'Allemande Angélique Kerber cette nuit à l'US Open face à la Tchèque Pliskova. Kerber deviendra demain numéro 1 mondial, une première pour une Allemande depuis Steffi Graf. Ce soir, place à la finale homme entre Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka. Enfin, bilan mitigé pour la City Parade hier au pied de l'Atomium à Bruxelles. Pas plus de 62 000 personnes s'y sont déplacées. Le cap des 100 000 festivaliers n'a pas été atteint en dépit du beau temps. La faute au climat sécuritaire de ces derniers mois, estime l'organisateur. Quoi qu'il en soit, une toute belle journée sur la première. Toute l'info est sur rtbf.be. Et à 10h05, on est loin d'être mitigé pour décoder avec vous, Alain Gerlache. Merci. Oui, en effet. Merci Nathalie. Les prochaines infos, c'est à 11h. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. La première. 10h-11h, le dimanche. Les décodeurs RTBF. Avec Alain Gerlache. Bonjour à tous, nous partirons aujourd'hui à la découverte des espaces de coworking, des lieux où des auto-entrepreneurs et des indépendants viennent travailler et collaborer. Il y en a de plus en plus en Wallonie et à Bruxelles, nous verrons pourquoi. Des drones pour selfies, des frigos connectés à Internet, des GPS pour scooters, quelques-unes des nouveautés présentées au Salon des Technos à Berlin. Nous en découvrirons d'autres et nous verrons quelles sont les évolutions à attendre. Dans Tendance Pub, Frédéric Brément nous expliquera pourquoi tous les panneaux publicitaires des gares SNCB vont devoir être démontés. De Sarkozy à Clinton, les équipes des candidats utilisent de plus en plus massivement les données personnelles venues du web pour traquer les électeurs potentiels. Est-ce acceptable ou cela met-il notre vie privée en danger? Eh bien, nous en débattrons. Vous écoutez Les Décodeurs, le magazine de l'innovation qui prend le temps de décrypter l'actu du web, des médias et de la communication. 10h-11h, Les Décodeurs RTBF sur la première. Et vous pouvez bien sûr aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter avec le compte et le mot-clé LDC RTBF et notre nouvelle page Facebook, Les Décodeurs RTBF, où vous pouvez bien sûr trouver toutes les infos sur l'émission et interagir. Et d'abord, le coup de com' avec ce matin une bonne note pour le monde musical. Ses revenus sont repartis à la hausse en Belgique. C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres publiés par le BEA qui représente les entreprises actives dans la production et la distribution de musique. Musique en Belgique. Bonjour Raphaël Skaini. Bonjour Alain Gerlache, bonjour à tous. Vous êtes animateur et programmateur sur Classique 21. On vous connaît aussi comme chroniqueur dans l'émission On n'est pas des pigeons. Alors, dans la première moitié de 2016, le streaming payant via des abonnements sur des plateformes comme Apple Music, Deezer ou Spotify a augmenté chez nous de plus de 80%. Les revenus du streaming ont dépassé ceux du téléchargement et même si le CD reste toujours en tête, eh bien, il poursuit un déclin qui est devenu inéluctable. Est-ce qu'on peut dire cette fois, Raphaël, que le streaming est devenu mainstream ? Mais je pense que oui, c'est une évolution logique des mentalités. Il fallait attendre que la génération 40, 50, 60 ans se rendre compte des avantages réels du streaming. C'est vrai qu'on perd peut-être en qualité de son pour les puristes ou pour les personnes qui pratiquent peut-être un certain snobisme au niveau de l'audition. Maintenant, le gros avantage de ce type de consommation musicale, c'est la portabilité et la place que ça permet de gagner sur un disque dur, sur une carte SD ou n'importe quoi, puisque ça fonctionne un petit peu comme un cloud. Donc vos photos, vous ne les avez plus réellement sur un disque dur. Ici, la musique, elle n'est pas sur votre ordinateur, elle est disponible partout, n'importe où, sur n'importe quel support. Et donc, je pense que c'est une évolution logique. Les jeunes ont été assez vite conquis par ce type de consommation. Maintenant, les générations plus âgées s'y mettent parce qu'elles se sont rendues compte que c'était complémentaire. On a quand même un peu l'impression d'une certaine diversité, voire d'une diversification des supports. Est-ce que ça veut dire que maintenant le public devient de plus en plus apte à jongler avec les différents devices, comme on dit, ou avec les différentes plateformes? Mais c'est de plus en plus simple, de plus en plus intuitif. Ça a été introduit via Apple, qui a quand même été précurseur dans l'ordinateur personnel jouet pour adultes, avec des interfaces vraiment faciles à apprendre. Donc je pense que oui, maintenant, même les entre guillemets papis, voilà, je prends de l'âge aussi, donc je peux me permettre d'employer ce terme. Ne vous inquiétez pas. Commence à pouvoir manipuler très très facilement. J'observe un peu, bon, en allant amener ma fille à l'école, bon, je discute un petit peu de manière discrète avec les parents, j'essaie un peu de voir comment les plus jeunes, les plus âgés consomment la musique, même par rapport à mes parents, et je vois que c'est de plus en plus facile, les accès sont de plus en plus évidents. Maintenant, tout le monde peut créer, même une personne qui a 70 ans peut facilement créer une adresse email, et créer un compte pour pouvoir écouter de la musique, c'est pas plus compliqué que créer une adresse email. Donc je pense que oui, maintenant c'est rentré dans les mœurs, c'est devenu des automatismes, et puis il y a cette facilité de pouvoir écouter la musique, ses playlists, tout ce qu'on a envie, n'importe où, on est en vacances. On ne doit pas transporter son ordinateur portable, on ne doit pas amener son bac de CD comme on le faisait dans le temps avec la voiture. Enfin voilà, donc il suffit d'avoir une connexion, de pouvoir avoir accès à ce compte, et on peut écouter ce qu'on veut n'importe où, et ça c'est la grande facilité. Eh bien, c'est la facilité aussi à écouter la radio. On vous retrouve donc sur Classique 21, à la télé aussi dans On n'est pas des pigeons. Merci Raphaël. Merci. On va écouter Alice on the Roof. C'est le plus grand succès belge de cette première moitié de 2016, et le titre de l'album est très à propos, Higher. Lucky you, c'était Alice on the Roof. On va maintenant parler de coworking, peut-être même vous le faire découvrir. Co-working, encore un de ces mots apparus ces dernières années, dont la signification est parfois un peu floue. En français, on dit aussi co-travail, mais ça ne convainc pas tout le monde. En pratique, on parle d'un espace commun qui abrite différentes entreprises et start-up distinctes, voire des indépendants. Ils peuvent ainsi agir et donc s'enrichir mutuellement. C'est une nouvelle forme de communication et de collaboration que nous allons approfondir avec nos invités. Lisa Lombardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de Co-Wallonia, vous êtes aussi co-présidente de Bicoworking et vous êtes en charge du coworking à l'agence du numérique en Wallonie. Ramon Suarez, vous êtes le fondateur de Betacower Coworking à Bruxelles, bonjour. Bonjour. Et vous êtes aussi le président de l'Association européenne des espaces de coworking. Alors, le Betacowork, dites-vous, c'est l'espace de coworking le plus important et le plus dynamique à Bruxelles, avec plus de 200 membres. Et vous publiez ces jours-ci le manuel du coworking, tout ce que vous voulez savoir sur le lancement, la gestion et le développement d'un espace de coworking performant. Alors, je pense qu'on n'a jamais dit autant coworking sur l'antenne de la première que maintenant. Mais d'abord, Ramon Suarez, comment ça se présente, un espace de coworking, concrètement? Quand on entre, on voit quoi? Mais on voit du monde, ça c'est le plus important. Dans un espace de coworking, le plus important c'est toujours les gens et les relations entre ces personnes. Alors, ce qui fait la différence entre un espace de coworking et des autres espaces de travail flexibles, c'est cet aspect communautaire des mises en commun, des entraides entre les gens, des confiances et des interactions. Donc ce sont des entreprises, des start-up, voire des indépendantes qui ont des jobs différents, hein, ce sont des structures différentes, mais il y a une interaction entre les deux, c'est ça que... Oui, c'est surtout des indépendants. Mm-hmm. Il y a beaucoup plus d'indépendants que des entrepreneurs qui ont leur propre start-up. Mm-hmm. Mais après, ce qui est important à comprendre là, c'est qu'on recrée un peu l'aspect qu'il y a des communautés dans une grande entreprise où il y a des gens qui sont dans différents départements mais qui collaborent. Ici, au lieu d'être dans des différents départements, l'équivalent, c'est des gens qui travaillent dans leur propre métier, dans une société différente, et ils s'entraident entre eux aussi. Alors, Lisa Lombardi, ce n'est pas réservé à Bruxelles, hein, il y a aussi des espaces de coworking en Wallonie. Oui, donc il y a 8 espaces de coworking qui ont été lancés en 2012 suite à un appel à projet du gouvernement wallon, donc dans le cadre du programme Creative Wallonia. et qui depuis donc font leur petit bout de chemin au niveau du coworking. C'est vrai que quand on a lancé les espaces il y a 4 ans, le coworking était absolument pas connu, donc les premiers espaces ouvraient en Wallonie et le concept était absolument connu de personne, donc il y a eu un gros travail évidemment d'information qui a dû être fait, et maintenant on voit que vraiment la mayonnaise prend et que de plus en plus on suscite de l'intérêt. Et alors vous trouvez qui dans ces espaces de coworking en Wallonie? Parce que Bruxelles, c'est une grande ville, c'est une métropole. La Wallonie, c'est beaucoup plus dispersé, c'est un peu différent. Oui, tout à fait. Mais donc, comme le disait Ramon, on trouve principalement des indépendants. Ces indépendants doivent être un petit peu, selon nous, divisés en deux catégories qu'on a observées en tout cas, et qui ont des besoins et des demandes spécifiques. D'abord, on a surtout des starters, donc des gens qui vont en fait créer leur activité, qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat et qui sont vraiment en recherche d'un endroit dans lequel ils vont non seulement pouvoir travailler, mais aussi surtout vraiment avoir des gens qui vont pouvoir les aider en fait dans le développement de leur projet. Et puis on a des entrepreneurs, des indépendants plus confirmés, des gens qui sont à leur compte déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui ont la routine du travail à domicile ou chez les clients, qui ont besoin un petit peu de se mettre un petit coup de fouet, ouais. De retrouver des contacts, etc. En fait, à vous entendre, on se rend compte que c'est un aspect important, hein. C'est le fait que en se retrouvant ensemble, eh bien, on n'est pas seul chez soi, on a une interaction et c'est stimulant pour le travail. C'est ça un des principaux bénéfices pour vous, Ramon Suarez? C'est exactement ça. On devient beaucoup plus productif et plus heureux. Oui. C'est ça qui fait que notre vie est mieux. Et plus productif, pourquoi? Parce que on a quelqu'un pour manger son sandwich à midi, ou bien parce que on peut aussi parfois, quand on a un problème, une difficulté, aller trouver quelqu'un qui est là et qui peut vous aider. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a des gens autour de nous qui sont en train de travailler. Alors nous, on veut pas se mettre à flâner. On veut travailler aussi. Ça nous pousse à travailler plus. Ouais. Et après, c'est l'effet aussi de quand on a des doutes, on doit juste se tourner, demander à quelqu'un qui est à côté de nous et dire: je ne sais pas comment faire ça, si tu m'aides, poum, c'est fait dans l'instant. Lisa Lombardi. Bah oui, au niveau d'une enquête qu'on a menée auprès de nos coworkers, on a remarqué qu'il y a 64% de productivité en plus chez nos coworkers. Donc c'est une combinaison effectivement du fait de pouvoir se concentrer sur son travail, ce qui n'est pas toujours possible quand on travaille de chez soi. Le fait de pouvoir directement effectivement, lorsqu'on est bloqué sur un certain point, et parfois c'est vrai qu'au niveau même informatique, ben, ça arrive à des gens d'être bloqués, de pouvoir avoir quelqu'un qui débloque tout de suite la situation. Et on avance beaucoup plus vite en fait, donc effectivement. Et alors oui, tout ça participe aussi à un meilleur bien-être, quoi. Et il y a aussi un aspect relationnel de réseautage qui est important. C'est beaucoup de gens qui arrivent à trouver avec qui faire des missions. Les gens trouvent des clients et des associés avec qui lancer de nouvelles entreprises ou même faire le travail. En fait, ça contrebalance les défauts de l'isolement de l'auto-entrepreneur en lui donnant un réseau de gens avec qui il peut aller résoudre un problème, poser une question, avoir une réponse lorsqu'il cherche quelqu'un, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, c'est un réseau d'entraide, c'est un réseau business, c'est un réseau d'amis, parce qu'on voit vraiment qu'il y a vraiment des amitiés fortes et des liens forts qui se créent entre les gens. Effectivement, chacun a son propre business, mais c'est comme s'il faisait partie d'une seule et même finalement entreprise, avec finalement une culture aussi d'entreprise. Oui, c'est ça, c'est une culture différente, plus collaborative, plus ouverte, Ramon. Oui, c'est, en fin de compte, c'est travailler pour soi, mais pas seul. Est-ce que vous pourriez tracer le portrait type de ce que vous appelez le coworker? Il n'y a pas de portrait type, hein. On a juste nous au niveau de la Wallonie, peut-être certaines infos qui nous viennent justement des enquêtes menées auprès de nos coworkers. Non, mais est-ce qu'on en trouve plus dans la vingtaine et la trentaine que dans la cinquantaine? Notre moyenne d'âge est 39 ans, donc 39 ans. Oui. Voilà, donc c'est principalement des hommes, on a 2/3 d'hommes pour 1/3 de femmes. Maintenant, bon voilà, on espère que ça va encore progresser aussi au niveau de l'égalité hommes-femmes. Donc voilà, ça pourrait être déjà un premier portrait robot du coworker, mais qui ne veut rien dire en soi. Voilà, je veux dire, c'est ouvert à tous. Donc. Ramon, ce n'est pas un truc de jeunes geeks uniquement? Non, il y a très peu de jeunes geeks parce qu'il y a très peu de jeunes qui sont prêts à devenir indépendants et à devenir entrepreneurs. C'est un moment pour devenir entrepreneur et se lancer toute seule. Il faut avoir une certaine maturité professionnelle et les gens prennent des années pour l'apprendre. Moi, je ne me suis pas lancé comme entrepreneur quand j'avais 20 ans. Je me suis lancé comme indépendant entrepreneur quand j'avais 37 ans, je pense. Mon père, quand il avait 40 ans. Et quel genre d'entreprise ou quel genre d'activité ont ces coworkers? C'est dans quel domaine? Lisa ? Pour une bonne partie, évidemment, c'est lié quand même à ce qu'on appelle le secteur des industries créatives et culturelles, mm-hmm. Donc les graphistes, les développeurs web, les traducteurs, les communicants. Donc ça, c'est vrai que c'est des métiers qui sont à la fois, évidemment, pas dépendants d'une structure en particulier, qui s'adaptent évidemment très bien à l'espace de coworking, mais ça peut être des métiers beaucoup plus atypiques, comme un couturier, un menuisier, qui sont des métiers qu'on retrouve parmi les membres de nos espèces. Alors, Ramon Suarez, vous dites dans votre livre que vous allez faire part de vos erreurs, pas seulement de vos succès, pour permettre d'éviter les pièges habituels de ce secteur. De quel piège parlez-vous, par exemple ? Il y a plusieurs, mais je pense qu'un d'eux, c'est laisser trop faire, c'est pas prendre ses propres décisions et définir son propre espace, quelle est la culture que tu veux avoir. Si tu définis la culture qui est toujours formée et conformée aussi par les membres, mm-hmm. tu dois attirer un certain type des personnes avec une certaine attitude qui va faire que ton espace va avoir un certain succès. Mais il faut un patron de l'espace ? Il faut avoir, pas un patron, mais il faut avoir une personne qui lit la sauce. Il faut avoir une personne qui est le facilitateur, uh-huh. qui s'occupe de connecter les personnes, de s'assurer qu'il y a la bonne ambiance de travail, qu'il y a les bonnes interactions, qu'on développe les bonnes dynamiques. Les gens, même si on est des... Un animateur ? Oui, un animateur, mais un facilitateur. C'est plus facilitateur parce que c'est plus la mise en contact. C'est d'accord. pas tellement animateur comme dans les villages de vacances. C'est un peu plus. D'accord. Je pense, je parle avec toi, je parle avec Lisa okay. et j'essaie de voir, ok, quels sont les points communs qu'ils ont et avec quoi je peux les aider. Lisa. Ouais, c'est vrai que c'est un rôle super important parce que c'est quelqu'un qui va créer, effectivement, ça peut être une personne ou une équipe, hein, ça ne va pas être réducteur à ce niveau-là, mais qui va créer effectivement cette culture de l'espace de coworking, comme ça peut être dans une entreprise, qui va faire que les gens se sentent à l'aise, qui va créer les liens à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace de coworking. Donc c'est vrai que c'est super important d'avoir ces personnes-là dans les espaces. On a compris qu'on a affaire à des convaincus. Vous pensez vraiment que c'est une formule d'avenir ? Oui, parce que ce qui est en train de changer, c'est le paradigme de travail. Mm-hmm. Il y a du travail, mais il n'y a pas d'emploi. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de gens qui se voient soit obligés à devenir indépendants, soit dans la situation où grâce à l'Internet, ils peuvent le faire facilement et avec très peu de risques. Alors, on va voir, on a de plus en plus des gens qui sont dans ce qu'on appelle la contingent economy, l'économie temporaire, l'économie oui. des gens qui font des trucs à côté. Il faut penser que le coworking non plus, ce n'est pas un espace où on doit être 24 heures sur 24. Ce n'est pas du 9-17. Non, on va quand ça nous convient. Ouais. Il y a des gens qui travaillent à la maison 4 jours ou chez les clients qui viennent qu'un jour par semaine. Mm. Peut-être juste pour faire la comptabilité ou pour parler avec des gens, pour participer à les événements. Lisa Lombardi, est-ce que les pouvoirs publics s'y intéressent, comprennent les enjeux ? Oui, tout à fait. Donc, déjà, l'initiative est supportée depuis le début par le gouvernement wallon qui a donné l'impulsion de la création des espaces pilotes. Je crois que c'est assez évidemment exceptionnel, même au niveau européen. Et puis, il y a effectivement un intérêt des pouvoirs publics. On participe à la prochaine semaine de la mobilité organisée par le SPOE, l'Union Wallonne des Entreprises, dans laquelle on est impliqué déjà vraiment fortement. Et ça montre aussi que c'est une solution aussi de mobilité en tant que telle pour les entreprises. Oui, il y a d'autres impacts, évidemment. Et que ça a d'autres impacts que l'entrepreneuriat. Bien sûr. Ici, à Bruxelles, il y a le ministre de l'économie, Didier Gozouin, qui a annoncé qu'il va lancer des checks de coworking pour que les gens puissent aller tester des espaces de coworking pendant 2-3 mois quand ils lancent leur activité. Eh bien, ils vont sûrement être très contents qu'on parle d'eux en bien, ça n'arrive pas toujours. Alors, le manuel du coworking, guide de pratique du gérant, c'est ce que vous avez écrit comme livre, Ramon Suarez. On le trouve où, comment ? On le trouve à Bruxelles, à Filigrane. Mm-hmm. C'est la première fois que je mets... C'est un livre édité en auto-édition. C'est la première fois que je le mets dans une librairie. C'est la version française. Et sinon, sur Amazon, des magasins online, on peut l'acheter sur Apple, iTunes, on peut l'acheter sur Google Play, etc. Okay. On mettra tout ça sur nos pages et nos réseaux sociaux. Elisa Lombardi, vous préparez la semaine belge du coworking, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc au niveau de l'association Be Coworking qui est en train de se constituer et qui vise à rassembler, nous on serait que... Je suis concentrée sur une initiative wallonne qui est Co-Wallonia, mais il y a la volonté aussi de pouvoir plus échanger avec nos collègues bruxellois et flamands et de faire connaître le coworking au niveau national. Donc pendant une semaine, tous les espaces belges ouvriront leurs portes avec des activités, des événements pour pouvoir permettre aux gens en fait, de tester le coworking. Lisa Lombardi, Ramon Suarez, merci, belle journée. Merci beaucoup, merci belle journée. Et si vous souhaitez recevoir le guide de Ramon Suarez, eh bien rendez-vous sur notre page Facebook, les décodeurs RTBF. Nous procéderons au tirage au sort ensuite et on ne vous empêche évidemment pas de liker la page non plus. Pour l'heure, direction Berlin et l'IFA, c'est le salon de l'électronique grand public. Étienne Froment, bonjour. Vous y étiez pour Geeko, c'est le site d'info techno du soir. Avec nous aussi Gilles Coistio, notre chroniqueur techno, journaliste à Trends Tendance. Bonjour Gilles. Bonjour Alain. Étienne Froment, c'est un rendez-vous incontournable des nouvelles technologies grand public. Hein. C'est important de le souligner, la preuve. Notre frigo est équipé de deux caméras, une dans la porte et une à l'intérieur. Ainsi, où que vous soyez, vous voyez ce qu'il y a dans votre frigo. Il y a beaucoup d'autres fonctions de connectivité, d'écoute de musique, de miroir de votre téléviseur, hein, histoire de ne pas louper un but quand vous partez chercher une bière pendant le match. Ici est indiqué la température et le degré d'humidité pour une conservation optimale. Une fois que j'appuie sur une bouteille, je trouve toutes les informations sur le vin, son origine géographique par exemple. Et quand j'appuie ici, je trouve des recettes adaptées à la bouteille. Il y a des fonctions également de gestion de l'agenda de la famille, donc ce qui permet à tout moment, de n'importe quel membre de la famille, d'envoyer des rappels, des notifications, de gérer le calendrier, les événements. Vous pensiez être le maître de maison, et si c'était la maison qui maîtrisait tout ? Étienne Froment, est-ce qu'on est encore les maîtres de la maison ou bien est-ce que la tendance veut que ce soit finalement les robots qui soient les maîtres de notre environnement et qui décident de tout ? Est-ce que vous avez vu ça dans d'autres produits aussi lorsque vous avez visité pendant 3-4 jours, je crois, ce grand salon ? Oui, c'est vraiment l'une des grosses tendances cette année. L'électroménager connecté est partout. Donc, c'est-à-dire que maintenant, des constructeurs comme Samsung, LG vont fabriquer des frigos, des machines à laver, des fours ou des aspirateurs connectés que l'on peut finalement contrôler depuis son smartphone ou depuis sa tablette. Hein, et c'est une application. Et c'est gadget ou bien c'est vraiment praticable dans le concret, est-ce que ça facilite la vie ou bien au contraire, ça complique tout ? C'est assez difficile de le dire dans la mesure où tous les produits connectés ne sont pas forcément toujours intéressants. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un aspirateur connecté. Bon, pouvoir le contrôler depuis son téléphone, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, on peut dire que dans le cas par exemple d'une machine à laver, ça peut avoir un intérêt. On imagine un compteur bi-horaire, ben voilà, on peut activer sa machine à laver depuis son lit. Bon, ça, c'est un peu de la fainéantise, c'est du confort aussi. Donc voilà. Après, il y a d'autres approches. Par exemple, LG présentait cette année un frigo sous Windows 10. On peut se demander l'intérêt. Donc c'est un frigo qui est équipé de la dernière version de Windows de Microsoft. Voilà, il y a un grand écran tactile, donc on peut aussi bien regarder un film sur Netflix que consulter des informations. C'est un intérêt limité dans la plupart des cas, mais imaginons, on peut par exemple consulter des recettes sur son écran et commencer à cuisiner. Comme donc ça s'intègre dans un environnement général. Gilles Coistio, c'est important de poser quand même le regard sur ce que le public décide par rapport à cela, parce que c'est finalement lui qui a le dernier mot pour savoir si c'est adopté ou non. On a vu des tas d'innovations qui ont fait flop parce que les gens n'en voulaient pas. Effectivement, je pense que c'est un peu le principe de ce salon, hein, c'est un peu un fourre-tout où il y a énormément d'innovations, de nouveautés, certaines qui seront des gadgets qui seront vite abandonnés et d'autres qui vont peut-être percer dans les prochaines années. Alors quand on parle de ces nouveautés ici dans la maison, moi ça me fait penser un peu à la domotique, hein, ce qu'on appelait la domotique déjà il y a une bonne vingtaine d'années. Donc c'est sûr que le principe n'est pas neuf. Maintenant, il y a peut-être des applications qui, dans les prochaines années, arriveront réellement chez nous. On pense par exemple au compteur d'électricité intelligent, comme celui de Google, hein, qui a racheté Nest, et qui pourrait, en tout cas ce type de modèle, pourrait arriver vraiment dans les maisons, parce qu'il y a un intérêt pratique à avoir ce type de compteur. Étienne Froment, est-ce que vous avez l'impression que finalement, on est arrivé à un stade maintenant où il y a une sorte de... Je ne vais pas dire de standstill pour ne pas employer un mot anglais, mais en tout cas, on n'invente plus le smartphone, on n'invente plus la tablette, on n'invente pas l'écran plat pour la télé. Est-ce qu'on ne cherche pas finalement un nouveau souffle pour la technologie ? C'est vrai, tout à fait. Il n'y a plus vraiment de grosses nouveautés, de grosses annonces révolutionnaires. Le marché des smartphones commence petit à petit à se tasser finalement. Ouais, ouais. Donc il faut vraiment aller vers des innovations, vers peut-être commencer à s'orienter plutôt vers le style. Donc par exemple, on a vu cette année qu'il y avait énormément de constructeurs qui misaient sur le public féminin, avec des produits plus innovants, plus design. Donc on diversifie l'offre en fonction des publics cibles. Voilà, exactement. Et particulièrement donc, des montres connectées beaucoup plus élégantes. Je vais prendre comme exemple la marque de luxe Michael Kors, qui s'adresse vraiment aux femmes en général. Un drone à selfie unique, donc qui va chercher aussi un public plutôt féminin. Ouais. Et le dernier smartphone de Huawei, par exemple, qui avait une particularité en dehors de son design. C'est une application qui permet de s'ajouter du make-up sur ses selfies sans devoir... Ah oui, en effet. Donc l'image intègre directement le make-up. On parle de smartphone. On a eu cette semaine le lancement de l'iPhone 7. On en a beaucoup parlé. On a même vu Gilles au JT. Très bien d'ailleurs. Mais en même temps, on a appris que Samsung, il s'était un peu planté avec son nouveau Galaxy Note 7 qu'il doit retirer de la vente à cause d'une batterie qui explose. C'est un coup dur quand même, ce télescopage des deux événements, Étienne Froment. Oui, exactement. Pour Samsung, c'est très difficile parce que je pense qu'à la base, ils voulaient arriver sur le marché avant Apple, qui arrive avec son iPhone 7 Plus, qui est vraiment le concurrent du Galaxy Note 7. Et finalement, en Belgique, l'appareil va être commercialisé avec beaucoup de semaines de retard. On ne sait pas encore quand, à l'heure actuelle. Samsung va mettre en place un plan pour donner la possibilité, en tout cas aux acheteurs, d'annuler leur achat. Et va même offrir une carte micro SD pour se faire un peu pardonner, finalement. Et on ne sait pas trop comment ça va se passer, la nouvelle commercialisation, puisqu'il y a l'interdiction dans les vols internationaux, les vols nationaux aux États-Unis par l'EFA. Oui, en effet. Énormément d'actualités autour de ça. À cause, justement, de ce risque d'explosion qui, en vol, n'est pas toujours top, on s'en doute. Étienne Froment, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Geeko, c'est le site d'Infotechno du soir. Gilles, on vous retrouve dans quelques minutes. On va parler de l'utilisation des données personnelles des électeurs lors des campagnes électorales. La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, la complainte du progrès, c'était Boris Vian, une chanson proposée par un de nos internautes. 10h-11h sur la première. Les décodeurs RTBF. La première présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Comment vous voulez représenter, vous, les résultats d'une banque? Des messieurs en costume dans une grande salle de réunion? Un rapport énorme avec des graphiques très compliqués? Il y a une façon plus simple de les montrer, ces résultats. Les maisons pour lesquelles nous avons accordé un crédit, les entreprises où vous travaillez, les piscines publiques, les pistes cyclables, ça aussi, ce sont les résultats de Belfius, à côté de nos 249 millions d'euros de résultats nets réalisés au premier semestre. Belfius, 95% de clients satisfaits, on se donne à 100% pour y arriver. La Netherlands Academy est la seule école à n'enseigner que le néerlandais. Qu'est-ce que cela apporte de plus? Bart, professeur. Je moet weten, we geven les op de Nederlandse Vous savez, on se trouve à la Netherlands Academy. Tout le monde connaît notre école et les attentes sont énormes. On ne veut pas décevoir nos étudiants. Et donc, on se donne à fond à tout moment de la journée. Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Cours du jour, du soir et du samedi. Info sur nedaka.be. Les décodeurs RTBF. 10h-11h sur la première. Nous sommes en direct sur la première tous les dimanches entre 10 et 11 heures. Vous pouvez réagir sur notre nouvelle page Facebook, les décodeurs RTBF, et aussi via Twitter avec le compte et le mot-clé LDC RTBF. Les partis politiques ont-ils le droit d'utiliser nos données personnelles? Nous en parlerons après la séquence pub de Frédéric Bréban, journaliste à Trends Tendance. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Alors, au sommaire de Tendance Pub aujourd'hui, un conflit qui oppose la SNCB au numéro 1 mondial de l'affichage, la société JC Deco. D'abord, plantez-nous le décor de cette bataille des géants. Oui, il faut peut-être d'abord remettre en perspective l'affichage publicitaire en Belgique. C'est un sacré business, hein, ce qu'on appelle dans le secteur le « out of home ». C'est concrètement 40 000 panneaux publicitaires sur le territoire. Le web n'a pas encore tué tout ça. Hein. Non, pas encore, loin de là. D'autant plus que l'affichage devient lui aussi digital. On a un millier d'écrans digitaux sur le territoire belge. On les trouve surtout dans les gares, les métros, les aéroports. Sinon, les autres panneaux, hein, ce sont évidemment des abribus de 2 mètres carrés ou des panneaux de 20 ou de 36 mètres carrés. Et il y a deux leaders en Belgique, le français JC Deco, numéro 1 mondial, et l'américain Clear Channel. À eux deux, ils ont 80% du marché. Et c'est assez énorme parce que ça pèse quand même comme business en termes d'investissement par les annonceurs, 330 millions d'euros en investissement brut. En gros, c'est 10% du paysage publicitaire en Belgique. Hein. À côté de ça, vous avez évidemment la TV, la radio, etc. Et donc la SNCB, concrètement, c'est 1700 panneaux qui diffusent des affiches papier et 120 écrans digitaux. Et le marché a été attribué à Publifair depuis de longues années, qui est une société commerciale qui est détenue à part égale par Clear Channel d'un côté et la SNCB de l'autre. Et donc, JC Deco a attaqué la SNCB en justice et elle a obtenu gain de cause. Voilà, JC Deco a introduit une plainte en 2012. Il s'estimait victime de concurrence déloyale parce que c'est le plus important marché de l'affichage du pays qui a été attribué il y a 30 ans sans mise en concurrence. JC Deco a porté l'affaire en justice. En première instance, les juges ont donné tort à JC Deco, mais la cour d'appel, finalement, a inversé la tendance et elle a ordonné à la SNCB de reconsidérer ce marché publicitaire, je cite, « dans un esprit d'égalité et de transparence ». Et donc, la SNCB a été condamnée à démonter l'ensemble de ces panneaux. Je le répète, 1700 panneaux et 120 écrans digitaux. Alors, la SNCB n'a pas encore pris de décision pour un éventuel pourvoi en cassation. Ils attendent la notification de la cour d'appel de Bruxelles. Ils auront 3 mois pour envisager cette option. Mais de toute façon, la SNCB accepte le jugement et même si elle va en pourvoi en cassation, le jugement n'aura pas d'effet suspensif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, la SNCB doit quand même démonter tous ses supports. Alors, quand ces panneaux vont-ils être démontés? Eh bien, théoriquement, dans les 8 mois... Sans retard, comme on dit à la SNCB. On espère. Dans les 8 mois qui suivent la notification de la cour d'appel, ces panneaux devront être démontés. Donc, sans doute, on peut penser qu'au premier semestre 2017, ce sera fait. Alors, il n'y a pas encore de calendrier de démontage. Hein. On ne sait pas qui va les démonter, si c'est Clear Channel, Publifair, la SNCB. Peu importe, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plusieurs mois d'inactivité publicitaire pour la SNCB. Et ensuite, très probablement, il y aura un nouvel appel d'offres. Et là, JC Deco va monter au créneau. Et Clear Channel aura probablement le droit de monter, évidemment, aussi. Et là, les prix du marché seront un peu équilibrés. Et selon JC Deco, la SNCB va sortir de toute façon gagnante de ce nouveau marché parce que les prix seront revus à la hausse. Oui, gagnante. Mais entre-temps, il y aura eu une interruption et donc un manque à gagner pour la SNCB. Exactement. Il y a, et je ne vous parle pas de la facture du démontage aussi, mais le manque à gagner publicitaire, effectivement, il est quand même conséquent. À la SNCB, on ne dit pas exactement ce que ça rapporte. Ils ont bien voulu juste me dire que les concessions que fait la SNCB pour les commerces dans les gares et la publicité, ça représente 25 millions d'euros. Et dans ce marché, donc, la pub, c'est entre 5 et 10 millions d'euros. Oui, mais sur un budget gigantesque. Alors, c'est vrai que le chiffre d'affaires de la SNCB, c'est quand même 1 milliard d'euros. Alors, on pourrait croire que ces millions, ça ne représente pas grand-chose, mais ce n'est pas vrai. Le résultat opérationnel de la SNCB, donc avant impôt, elle dégage un bénéfice en 2015 de 20 millions. Donc, 5 à 10 millions sur ce résultat opérationnel, c'est quand même important. Ce n'est pas négligeable. Donc, c'est quand même une sacrée tuile pour la SNCB. C'est plusieurs mois sans activité publicitaire. Ça va un peu impacter le budget 2016 et donc 2017 sans doute aussi. Et puis, il y aura de toute façon un retour à la normale. Donc, c'est quand même ça la bonne nouvelle, c'est que les revenus publicitaires après, quand tout sera stabilisé, vont augmenter parce qu'ils vont s'adapter au prix du marché. Donc oui, c'est une mauvaise nouvelle, c'est pas significatif, mais ça ira mieux après. Sachant que la SNCB n'a pas pour vocation de faire du bénéfice à tout prix, mais évidemment d'offrir un service d'avoir au public. Avoir un peu de peur dans les épinards, c'est pas mal. Ça coûte quand même de l'argent. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Avec plaisir. Les décodeurs RTBF sur la première. Une affaire Sarkozy peut en cacher une autre. C'est comme les trains, en fait. L'ancien président français a de nouveaux ennuis judiciaires dans l'affaire dite Big Malion, qui est liée à ses frais de campagne en 2012. Mais un autre événement a également retenu l'attention cette semaine. La révélation par la radio RMC d'un dispositif qui permet aux équipes de campagne de Nicolas Sarkozy de géolocaliser les sympathisants de droite à partir des réseaux sociaux. Alors, au centre de la polémique, il y a une appli appelée Knocking, hein, frapper à la porte en anglais. Problème, les implications en matière de vie privée, d'où justement ces polémiques. Nous allons décoder tout ça et aussi voir ce qu'il en est éventuellement en Belgique avec Baptiste Herkes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la communication politique en ligne et vous avez notamment travaillé pour Écolo. Gilles Coistiot, journaliste à Trends Tendance. Rebonjour Alain. Rebonjour. On vous retrouve en effet dans cette émission. Et d'abord, les échos de la polémique en France. Le staff de Nicolas Sarkozy frappe fort. Bonjour madame, excusez-nous de vous déranger. On est l'équipe de Nicolas Sarkozy. Et on passe vous voir pour savoir si vous alliez voter à la primaire de la droite et du centre. L'équipe de Nicolas Sarkozy vient de lancer une application mobile qui pourrait faire polémique. Vous avez mon adresse d'où en fait? Et ben en fait, on vous a dans notre base de données. On est listé. Si jamais vous avez liké la page Facebook de Nicolas Sarkozy, si vous avez liké l'une de ses publications sur Twitter, vous risquez de vous retrouver un beau jour avec des militants sarkozistes à votre porte. Et ils ne seront pas là par hasard puisqu'ils auront trouvé votre adresse grâce à cette application. Elle s'appelle Knocking. L'objectif, c'est pas du tout ni de faire peur, ni d'inquiéter. L'objectif, c'est vraiment d'aller apporter le message qui intéresse la personne quand on la rencontre. C'est vraiment quelque chose qui est pas intrusif. Ah, et j'avoue qu'on n'a pas dû chercher très loin pour trouver une chanson pour illustrer ce sujet. On entendait notamment le créateur de l'appli, Paul Hatt. C'est un membre de l'équipe Digital et Innovation de la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais d'abord, Gilles, on essaye de comprendre comment ça marche en bref. Donc là, ici, cette application, à quoi elle sert? Elle sert à repérer un petit peu les personnes qu'il faudra convaincre de voter pour Nicolas Sarkozy. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont chercher justement des gens qui ont déjà liké des pages de Sarkozy ou qui se sont déjà inscrits sur son site par exemple? Eh bien c'est parce qu'ils se disent que ce sont ceux-là qui seront les plus faciles à convaincre, donc on essaye de repérer ces personnes-là. Donc ça permet de gagner du temps en fait. Si on va dans une rue, ça sert à rien d'aller frapper chez les sympathisants de Mélenchon pour les convaincre de voter Sarkozy. On gagne du temps, on évite de se faire engueuler, on lâche pas le chien. Enfin, L'équipe du candidat se dit qu'ils gagneront effectivement du temps à aller voir directement les personnes qui sont les plus à même de basculer ici pour le candidat Nicolas Sarkozy. Alors évidemment, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte assez rapidement que en siphonnant les données de toutes ces personnes qui sont allées sur les pages Facebook, Twitter, etc., sans doute que Nicolas Sarkozy est allé un petit peu loin ici dans ce cas précis, puisqu'il est allé chercher toutes les données publiques qui sont finalement sur les réseaux sociaux ou que toutes les personnes, ces fameux sympathisants, ont pu laisser sur Internet. Et ces données se sont retrouvées sur le site, accessibles à tout le monde. Voilà, c'est donc ça qui est ennuyeux, évidemment. Il y a eu un petit rétropédalage depuis lors, mais il y a aussi une enquête de l'autorité de la vie privée en France qui va déterminer si cette application peut encore être utilisée ou pas. Mais Baptiste, en soi, ce n'est pas illégal de chercher à mieux connaître l'électorat. Et de toute façon, bon, il y a des tas d'entreprises privées, voire des médias qui font la même chose avec les gens qui sont actifs sur leur page Facebook et les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est d'ailleurs même, c'est un enjeu stratégique pour les partis politiques de connaître mieux, d'une part, leurs militants, c'est-à-dire des personnes qui seront des personnes ressources dans les moments importants, dans les grands rendez-vous, les campagnes notamment. Et puis bien connaître aussi les personnes qui leur sont proches, pas forcément des militants, mais des sympathisants ou des personnes qui l'ont été, et gérer toutes ces données-là, gérer ces personnes-là, c'est un enjeu stratégique évidemment majeur. Mais la polémique, à votre avis, elle vient du fait que ces données, comme le disait Gilles Quassiot, se sont retrouvées un petit peu accessibles à tous, ou bien c'est le fait que c'est des partis politiques et qu'on est peut-être un peu plus réticents par rapport à eux? Alors, à mon avis, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part l'impression d'être fiché malgré soi. Ça, je pense que c'est un sentiment que personne n'aime, et c'est quelque chose que les partis politiques doivent absolument éviter. Et puis, d'autre part, effectivement, on n'est pas non plus dans une période où les partis politiques ont particulièrement la cote, et donc être fiché, c'est déjà désagréable. Être fiché par un parti politique, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on nous met une étiquette politique malgré nous, c'est quelque chose de particulièrement déplaisant. Maintenant, il faut comprendre que d'une manière ou d'une autre, les partis politiques utilisent déjà des données quelque part malgré nous. Quand les partis politiques font de la publicité sponsorisée sur Facebook, quelque part, ils utilisent déjà un ciblage, et donc ils utilisent déjà quelque part des données nous concernant. Donc c'est quelque chose qui se fait déjà, mais qui se fait de façon assez discrète et de façon peu intrusive, de façon de la sorte, quelque part, ça choque beaucoup moins. Mais voilà. Ça existe déjà. Alors, on est déjà plus loin que le simple fait d'annoncer son bal du bourgmestre sur Facebook. Hein. On voit que là, la maîtrise des réseaux sociaux va quand même beaucoup plus loin que ça. Mais aux États-Unis, les équipes de campagne des candidats, et surtout celle d'Hillary Clinton, utilisent à plein les données du public, justement, pour essayer d'orienter la campagne au jour le jour. Ladies and gentlemen, please welcome the man that will easily go down as the greatest president in the history of the United States, me, Donald John Trump. President Donald Trump knows how to make America great. Deal from strength or get crushed every time. Every time I think about Trump, I get allergic. And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for president. Voilà, c'est quand même une ambiance du tonnerre, que l'on soit pour ou contre les candidats. Le site Politico a décrit cette semaine la place prise par ce qu'on appelle le Big Data. Hein, donc ce sont toutes ces données que nous laissons sur Internet, notamment, je le disais, dans la campagne d'Hillary Clinton. Alors pour ceux qui ont vu la quatrième saison de House of Cards, eh bien ça fait un peu penser à Paul et Hop. On ne va pas en dire plus pour ne pas spoiler. Gilles, on est un cran au-dessus, là, dans la manière dont les campaigners, hein, les gens des campagnes électorales utilisent les données. Tout à fait, on parlait de Nicolas Sarkozy, là je pense que c'était un petit peu la catégorie amateur, on va dire. Ouais. Là on est vraiment dans le professionnalisme, ça avait commencé avec Obama, hein, qui avait déjà vraiment professionnalisé tout ce qui concerne le porte-à-porte pour essayer d'optimiser un maximum ces démarchages à domicile. Alors ici, avec Hillary Clinton, on parle d'une équipe de 60 personnes, d'analystes, de programmeurs, de mathématiciens, qui sont en train de faire tourner des modèles autour d'une série de données. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a accès à beaucoup plus de données ici qu'en Europe, parce que voilà, tout ce qui concerne la vie privée, c'est réglementé de manière un petit peu différente. Donc, ils ont des données sur l'âge des électeurs, sur leurs anciens votes, sur ce qu'ils appellent les ethnies là-bas, aussi sur tout ce qui concerne, par exemple, le taux de chômage, etc. Et donc, avec toutes ces données, ils arrivent à faire des profils assez précis des électeurs. Et ça permet d'orienter la campagne presque au jour le jour. On peut décider de choisir tel état pour aller intervenir avec tel message en fonction des données que l'on reçoit, parce qu'il y a aussi l'aspect contenu des informations. Alors, ça devient vraiment tout à fait précis. Donc, les actions qui peuvent être prises en fonction de ces analyses de données, puisqu'on parle notamment de choisir la manière avec laquelle on va s'adresser aux électeurs, donc c'est-à-dire est-ce qu'on va faire du porte-à-porte ou est-ce qu'on va leur passer un coup de fil, est-ce qu'on va leur envoyer un email, est-ce qu'on va leur envoyer un courrier. En fonction de leur profil, on va pouvoir déterminer tout ça. Ça détermine aussi l'allocation des budgets publicitaires des candidats. On sait que c'est très important, et notamment tout ce qui concerne la télévision, c'est les trois quarts des budgets des candidats, hein, d'après l'article de Politico. Ces modèles vont pouvoir déterminer à quelles émissions de télévision on va pouvoir s'adresser aux électeurs, à quelles chaînes de télévision locales. Il y a vraiment une donc précision assez importante. Donc il y a un monitoring permanent de l'opinion qui fait qu'on sait presque en temps réel ce qu'on doit faire ou avec quel message. Baptiste Erkès, en Belgique, à ce niveau-là, on en est encore au bon vieux pif. Alors, oui, effectivement, on en est encore très loin. À mon avis, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est une raison platement financière. Évidemment. La campagne américaine, on sait que ça brasse des milliards et donc ça leur permet d'être aussi au top à ce niveau-là. Voilà, la Belgique, c'est un petit territoire. Les partis politiques ne roulent pas non plus sur l'or et donc forcément il faut bien maîtriser son budget qui est très contrôlé en Belgique d'ailleurs, donc il faut faire vraiment attention à ça et donc ils ne peuvent pas non plus commencer à surinvestir là-dedans. La deuxième chose à mon avis c'est que en Belgique il y a une certaine frilosité qui est encore présente par rapport aux nouvelles technologies. Il faut oser accepter de confier sa campagne à un logiciel, hein. Je veux dire, c'est pas non plus quelque chose d'anodin et donc je pense qu'en Belgique on est encore assez frileux par rapport à ça. Et enfin il y a aussi la peur du bad buzz. À mon avis, je pense que les politiques sont frileux parce que les nouvelles technologies sont encore relativement mal connues. Ça sent le soufre. Et donc, on se dit, si on dérape, s'il y a quelque chose qui se passe, l'effet est tout à fait contre-productif et ça peut nous être fatal. Et donc, dans les périodes critiques, la campagne est une période critique, on a trop peur du bad buzz, à mon avis, que pour oser commencer à aller là-dedans. Comment les partis politiques utilisent-ils les données personnelles des électeurs? Faut-il leur en laisser le droit? Eh bien, nous en parlons avec Baptiste Erkès, spécialiste de la communication politique en ligne, et Gilles Coistio, journaliste à Trends Tendance. Vous pouvez réagir sur la page Facebook des Décodeurs et via Twitter avec le compte et le mot-clé LDCRTBF. Les Décodeurs RTBF sur la première. Alors, on a entendu les spécialistes. Nous allons maintenant nous tourner vers notre collègue Bertrand Haine. Bonjour Bertrand. Bonjour Adam, bonjour à tous. Alors vous suivez la politique, bien sûr, et aussi la communication politique. Hein, vous en parlez quand même régulièrement dans votre chronique matinale les coulisses du pouvoir. Comment réagissez-vous à ce que vous venez d'entendre ? Bah écoutez, à la fois je ne suis pas étonné, et à la fois quand on entend l'ampleur de ce qui se passe notamment côté américain, c'est quand même toujours surprenant vu d'un Européen et d'un Belge francophone en plus. Mmh. Alors moi ce qui me marque, c'est que le développement de ces techniques, elles existent, enfin, les deux exemples qu'on a donnés, Nicolas Sarkozy et puis Hillary Clinton, ce sont des élections où il y a des primaires. Mmh. Et des élections où il y a des primaires, où il faut donc aller chercher ses militants et bien les connaître, et peut-être que la nécessité de profiler ces électeurs et ces militants, elle est particulièrement forte quand il y a des primaires, c'est évidemment pas le cas chez nous. Et puis, je dirais qu'il y a peut-être une deuxième chose, on disait tout à l'heure, ben oui, il y a la question financière, la taille critique de la Belgique francophone, il y a aussi le fait que, vous disiez, c'est le bon vieux pif, mais que la politique francophone belge, elle a une sorte de réseautage naturel, les pouvoirs locaux sont très importants, les sections locales des partis ont beaucoup de poids, et j'ai l'impression plus qu'en France et aux États-Unis où il y a un monde entre le quartier général et l'électeur, en Belgique francophone, il y a quand même une bonne connaissance des militants et des électeurs qui est naturelle parce que les partis font remonter par leurs bourgmestres, par leurs élus locaux, les différentes informations. Mmh. Et ça fonctionne pas mal. Alors, c'est évidemment pas le niveau de précision qu'on retrouve notamment dans la campagne d'Hillary Clinton ou par la géolocalisation de Nicolas Sarkozy. Mais on a une information qui remonte, je pense, assez bien dans les partis francophones belges qui n'existent pas, je pense, pas autant aux États-Unis et en France. Baptiste Erkès, votre réaction à la réaction de Bertrand ? C'est très juste, évidemment, même si on perçoit de plus en plus que la militance politique est quelque chose qui est en train de changer de visage en Belgique francophone aussi. On a l'impression que de plus en plus les gens sont... Alors, il y a une base militante fixe dans tous les partis. En fait, ce sont les personnes assises qui seront là et qui seront toujours là. Et puis, il y a une vague plus floue qui est plus dans la militance à la carte, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans ce prisme du big data, c'est de se dire, une personne va venir militer dans un parti pour, par exemple, des questions de mobilité, mais sera peut-être beaucoup moins en phase avec les questions économiques ou les questions sociales. Et donc, cette militance à la carte pourrait tout à fait être en adéquation avec ce big data, puisqu'on pourrait beaucoup plus cibler les informations et tout ce qu'on peut transmettre entre le parti et le militant selon ses centres d'intérêt. Bertrand Haine, vous vous intéressez à la politique, vous aimez la politique, on peut le dire. On a dit, quand on a commencé à faire des campagnes un petit peu à la Kennedy, etc., ça remonte, hein, vous n'étiez pas né, qu'on dévalorisait la politique, on en faisait un produit marketing. Maintenant, est-ce que finalement, en ayant autant d'informations sur le public, est-ce que ça ne risque pas de tuer tout simplement tout idéal politique parce qu'on ne fera que suivre davantage encore les électeurs? Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer la politique? La question se veut un peu provocatrice, ouais, bien sûr. Mais vous avez tout à fait raison, Alain, et c'est dire une question qui se pose également pour les médias ou pour certaines marques. C'est-à-dire, on vient d'un monde du top-down où, par exemple, dans les partis politiques, on venait avec les principes issus de corpus idéologiques, et puis on allait expliquer aux électeurs pourquoi on allait faire ceci et cela en fonction d'une doctrine. Et on vient de plus en plus dans un monde qui vient d'en dessous. Et qui fait où les partis semblent de plus en plus réagir en fonction des desiderata des électeurs et de ce qui semble être pour eux les desiderata des électeurs. Mmh. Et il y a un équilibre qui doit se trouver et qui je pense va se trouver dans les prochaines années, mais c'est vrai aussi pour les médias. Il y a 20 ou 30 ans, les médias décidaient, connaissaient assez mal finalement leurs téléspectateurs, leurs auditeurs. On connaît beaucoup mieux aujourd'hui nos auditeurs qu'il y a 20 ou 30 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir de réflexion sur ce que nous avons envie de montrer, ce que nous avons envie de dire, ce que nous avons envie de faire en tant que médias. C'est un équilibre à trouver. Je pense que côté francophone, les partis politiques sont encore un petit peu dans l'ancien monde, si je peux dire. Ils vont dans le nouveau monde, vous le disiez tout à l'heure, avec beaucoup de précautions, parce que peut-être que la finance ne suit pas, mais qu'il y a aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, un réseautage naturel et une certaine méconnaissance des technologies, et que ça nous préserve quelque part, parce que ce qui va se passer en France, aux États-Unis, non mais je veux dire, expériences vont être faites là-bas, et peut-être que ça va arriver quand ce sera plus mature, en Belgique francophone. Et donc quelque part, on est peut-être un petit peu préservé, on n'est pas très ambitieux, on va dire ça comme ça, sur ces nouvelles technologies et l'utilisation du big data, mais on va peut-être arriver à un moment où ces modèles seront plus matures et peut-être moins dangereux, parce qu'il y a quand même toujours aussi le logiciel, quelque part, les algorithmes Facebook, par exemple, information Facebook ou Twitter transmet aux partis, à quel prix aussi, puisque ça s'achète, etc. Mais ce sont des choses qu'il va falloir intégrer dans l'analyse politique de plus en plus, c'est évident. Gilles Coisteau, vous partagez cet optimisme de Bertrand qui dit que comme on est toujours en retard, et bien finalement on aura quelque chose qui ce sera un peu stabilisé, on aura gommé les défauts. Je pense qu'on finira de toute façon par rattraper peut-être un petit peu effectivement ce retard. Il y a de toute façon une question d'efficacité qui est très importante, à mon avis, pour les partis politiques. Ils veulent faire passer leur message et avoir le plus de candidats élus. C'est tout à fait normal et légitime. Et ces technologies permettent justement d'atteindre cet objectif d'efficacité. Alors ce sera intéressant justement de suivre la campagne américaine à ce niveau-là, parce que l'équipe Clinton est très orientée justement Big Data avec cette équipe de 60 personnes dont je vous parlais. Et de l'autre côté, il y a Donald Trump qui dit que finalement les technologies c'est surévalué et que lui il fait une campagne à l'ancienne, à l'instinct, au pif, comme vous disiez. Donc cet aspect-là va jouer dans cette campagne américaine qui est évidemment très importante. On va voir le résultat et si ça bascule d'un côté ou de l'autre, on verra, je pense, aussi une forme d'efficacité ou non de ces technologies, de ce big data. Est-ce qu'on fait trop confiance à ces analyses de données ou pas? Je pense qu'on verra ça dans les prochains mois. Baptiste Herquez, votre conclusion? Mais je pense qu'effectivement la Belgique est probablement un petit peu à la traîne, mais comme on l'a vu pour la campagne d'Obama en 2008, où il a fait un usage des nouvelles technologies qui était assez révolutionnaire, on a même accordé sa victoire à cet usage-là, ce qui a été démenti par la suite, mais en tout cas, il avait un rôle de précurseur. Je pense que ça arrivera indéniablement chez nous. La question, c'est quel usage, effectivement, et pour en faire quoi dans un cadre légal défini. Et on aura l'occasion de suivre tout ça, la campagne aux États-Unis et évidemment celle qui suivra en France. Gilles Coisteau, Baptiste Herquez et Bertrand Haine, merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Merci Alain. Merci d'avoir suivi les décodeurs. Le débat continue sur la page Facebook Les Décodeurs RTBF, via Twitter avec le compte et le mot-clé LDCRTBF et bien sûr aussi sur lapremière.be. Rediffusion de cette émission à 21h sur La Première et puis vous le savez aussi, 24h sur 24 sur RTBF Audio. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nous suivre, nombreux à nous suivre là aussi. Jonathan Remy a réalisé cette émission. Merci à lui et à tous ceux qui nous ont aidés à la préparer. Rendez-vous dimanche prochain. La Première. Le 13 septembre est la journée internationale du testament pour les bonnes causes. Transmettez aussi votre générosité. Ajoutez une bonne cause dans votre testament et réduisez les droits de succession de vos héritiers. Infos et guides gratuits sur testament.be avec le support de la Loterie Nationale. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors de nos portes ouvertes ces 10 et 11 septembre et profitez de nos offres exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Aujourd'hui, on peut tout faire en moins de 2 minutes. Moi, en 2 minutes, j'ai inscrit Thomas au foot, rencontré la nouvelle copine de Jules et demander à Chloé de ranger sa chambre au moins 15 fois. La STIB prend votre temps au sérieux. Grâce aux automates Go, renouvelez l'abonnement scolaire de vos enfants en moins de 2 minutes. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La Première vous invite à l'avant-première de La Danseuse, une fresque éblouissante sur la chorégraphe Loïc Fuller. Avec Soko, Gaspard Uliel, Mélanie Thierry, François Damiens et Lily-Rose Depp. Vous avez été éblouissante. Pour y assister le 13 septembre à Beaux-Arts, en présence de Soko, 0905 56 474 56 par appel. La Première. Il est 11h. C'est l'heure des infos avec Simon Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Les États-Unis commémorent les 15 ans des attentats du 11 septembre, l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire. Presque 3000 personnes sont mortes ce jour-là. Plusieurs commémorations au programme cet après-midi sur le site même de l'ancien World Trade Center, notamment à New York. Les noms de toutes les victimes seront lus un par un, suivis d'un moment de recueillement dans le silence. En Syrie, encore des bombardements sur les rebelles quelques heures avant le cessez-le-feu. Une centaine de personnes sont mortes sous les bombes ces dernières heures à Idlib et Alep notamment. Pourtant, les combats doivent s'arrêter demain. Russes et Américains ont signé une trêve acceptée par Bachar al-Assad et l'opposition. Mais d'ici là, les deux camps semblent encore vouloir se faire mal jusqu'au dernier moment. La Corée du Nord prétend qu'elle possède l'arme nucléaire. Le régime de Pyongyang demande aux États-Unis d'être reconnu comme puissance nucléaire. Jusqu'à présent, les États-Unis refusent. La Corée du Nord a en tout cas mené son cinquième test vendredi et semble avancer dans le développement de son programme nucléaire. Chez nous, plusieurs congrès politiques au programme aujourd'hui. Le MR rassemble ses troupes à Otigny. Ils y parleront emploi et fermeture de Caterpillar notamment. Défi sera au Ezel à Bruxelles. Le parti dans l'opposition fédérale demandera au gouvernement d'agir. Un accès plus facile à la prépension notamment. Pas question pour la NVA. Les nationalistes seront justement réunis à la mer à la panne avec là à l'ordre du jour la sécurité. L'occasion pour tous ces partis de faire de nouvelles propositions politiques pour la rentrée. Puis en tennis, victoire de l'Allemande Angélique Kerber cette nuit à l'US Open face à la Tchèque Pliskova. Kerber deviendra demain elle deviendra numéro 1 mondial, la première Allemande depuis Steffi Graf en tête du classement mondial. Ce soir, place à la finale homme entre Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite un bon dimanche à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Bienvenue à vous tous, croyants, non-croyants, personnes en recherche, auditrices et auditeurs qui rejoignez ce matin la messe radio sur La Première. Nous avons la joie de vous retrouver en direct depuis la basilique de l'abbaye cistercienne Notre-Dame d'Yvaldieu, dans le diocèse de Liège, où nous allons célébrer l'Eucharistie du 24e dimanche du temps ordinaire. Comme les dimanches précédents, c'est la communauté chrétienne du Val-Dieu qui nous accueille aujourd'hui. Cette communauté de laïcs a pris la suite des derniers moines après leur départ en 2001. Elle est constituée d'une dizaine de personnes, hommes et femmes, et est animée par le recteur Michel Gilles Soul, diacre du diocèse. Le chanoine Bernard Gilles de la cathédrale de Liège vous accompagne tout au long de cette célébration qui sera présidée par M. l'abbé Camille.